Hey, hey, hey! Salut tout le monde! Ici Sébastien Bouchard, le micro, et bienvenue à l'épisode numéro 13 de Fun à regarder les films, le podcast! Et oui, déjà 2019. Ça a passé vite, pareil, 2018. Beaucoup de choses se sont passées dans le podcast, et puis dans le site web, puis dans notre projet d'Horror Gamer, puis tout ça. Ça a été une grosse année. On va s'en souhaiter une un petit peu plus tranquille. Puis, bien que la team n'est pas tout à fait complète, j'espère qu'elle va l'être au courant de la soirée. Mais je suis quand même accompagné de mes deux comparses, Jean-François Tremblay. Tout d'abord, salut Jean-François. Salut. Comment ça va? Ça va que je suis enrhumé, mais sinon, je suis de bonne humeur. Je suis content d'être là, puis je suis content de vous retrouver. Ouais, nous autres aussi. Et aussi, on a Steven Lefrançois. Salut Steven. Salut mon beau Sébastien. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Ouais. Retour en force après les fêtes. Ouais, t'es-tu capable de nous suivre malgré que d'un œil, je te vois regarder les Golden Globes là, comme ça? Là. Tout un œil qui. Je suis capable de faire d'avoir deux choses en même temps, c'est correct. Marcher puis marcher de la gomme! Tu es incorrigible! Fait que tu vas nous tenir au courant des gagnantes là, tout au long de la soirée. Ouais, je vais essayer. S'il y en a des intéressants, en tout cas. De toute façon, c'est quoi que ça donne des annoncés pendant le podcast? Tout le monde va faire comme moi, je le sais. J'ai tout écouté. Au pire, c'est quelqu'un à commenter qui peut être cool. Hey, non, c'est ça, 2019. Qu'est-ce qu'on souhaite côté cinéma 2019? Ben, qu'est-ce qu'on souhaite d'avoir une année variée et autant tripante niveau cinéma? On se souhaite une meilleure année horreur? Ouais, année horreur 2018, ça a été une année timide, je dois t'avouer que j'ai pas... Surtout j'ai pas après 2017. Ouais, vraiment, 2017, ça a été une seule année. 2018, je dois t'avouer que j'ai pas eu beaucoup de mal au cœur à faire mon top 10, là, puis à éliminer des choix, là. C'était pas très très difficile. Non. Par contre, niveau cinéma général, en dehors de l'horreur, on a eu du Christy de bon stock, puis ça a été une très très très bonne année pour ça, là. Good. Puis toi, Jeff, qu'est-ce qu'on se souhaite côté en fait, je sais pas, cinéma 2019? Pas vraiment réfléchi à ça. Un petit bras de fer? Oui, ça c'est sûr. Un peu plus de bras de fer, oui. Oui, le bras de fer des films. Vous en avez-tu déjà un autre de prévu, là? Non. Non, on se met rien ses épaules, en fait. On y va vraiment le flow. C'est ça. On suit là. OK. Ça. You go with the flow. Mais Hey, y a plein de monde en ligne là, qui arrive. Là. Salut Cynthia, t'es un peu en retard, mais t'es là. Ben, c'est correct, on va te prendre quand t'arrives. De toute façon, Vicky est en retard, fait qu'imagine, il n'y a plus personne qui a besoin d'être gêné d'être en retard. Ils sont mieux d'être beaux, ces cheveux. Ils sont mieux d'être beaux, oui, parce que... C'est très bien qu'il va avoir une serviette, fait que ça compte. Oh boy. Mais non, Vicky, prends ton temps, puis, on a hâte que tu arrives. Mais c'est ça, moi, je vais vous dire que côté fun de regarder des films, je nous souhaite des épisodes de la web télé. C'est déjà en branle un petit peu, mais moi aussi je me mets pas de pression sur les épaules, mais j'aimerais ça là, je vais vous dire l'objectif là, on est en janvier là, je vais vous dire mon objectif cette année, je me donne un objectif vraiment vraiment vraiment très très safe là. 6 épisodes, c'est bon 6 épisodes, puis Vicky qui dit qu'elle est là, alors Jeff invite nous Vicky, oui. Puis fait que 6 épisodes, un ou deux mois, c'est... mais tu sais, pour de vrai j'aimerais ça en avoir plus. Puis je veux nous faire plus de fans de films aussi. Puis, je nous souhaite des collaborateurs trippants parce que là, on a Daniel Palardi qui vient de s'ajouter à nous, qui d'ailleurs va avoir une critique qui va être en ligne demain. Puis j'ai hâte de jaser avec certaines autres personnes qui devraient s'ajouter à l'équipe, pas de l'équipe du podcast, mais l'équipe sur le site web. Et nice. Là, elle est arrivée, elle s'est laissée désirer. Salut Vicky! Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, j'espère que mon son est correct et j'ai pas pu faire les tests de son au début du show. Ton son a l'air numéro 1. Yes sir! On de toute façon, c'est pas JF qui stream, fait que ça doit être correct. Oh, chien, toi! C'est lui-même qui l'a dit tantôt. Oui. Steven s'est trompé, t'as pas de serviette sur la tête? Ouais, je me suis trompé. Je pensais que t'aurais une serviette, Vicky. Non, j'ai pris la peine de l'enlever, mais je me suis pas brossé les cheveux. Ok. Je suis déçu. Tu as dit que c'est mieux d'être beau, ses cheveux. Ouais. Steven, sur 10, ça dit quoi? Sur 10, ben écoute, un petit 7, ça va être de l'allure. Bon, écoute, 7 sur 10, c'est bon. Hey, c'est pas la seule cote de sur 10 qu'on va donner ce soir, j'espère. Ou en tout cas, ça passe le seul commentaire qu'on va laisser sur quelque chose. C'est qu'on a pas mal de films et de séries à commenter. Puis je pense qu'on en a même un shitload. Fait que je pense qu'on serait mieux de commencer right now cet épisode-là. Parce que on a paquet de choses à jaser. Ben oui, t'as skippé l'intro, tu sais, tout le bout que tu trouves plate. Là, ouais, ben, ouais, t'as on est rendu la platitude. Là. Ah oui, c'est le bout de ce que je radote. Que j'ai. Hey! Non, il me reste du radotage à faire. un petit concours que j'avais laissé, que j'avais mis en ligne avant le temps des fêtes. Là. C'est moi. Là. C'était un concours qui était moins officiel puis moins pressant. Juste parmi nos Patreons, nos patrons, pardon, ceux qui donnent sur notre Patreon. C'est comme un petit concours de fin d'année où ce que je donnais plein de codes digitaux pour les films que j'avais pas donné au courant de l'année. Puis, dans le fond, je vais le faire tirer là. Je voulais le faire tirer pendant l'épisode pour que ça fasse un petit peu plus officiel. Puis ben, puis pour que ceux qui ne sont pas dans le Patreon fassent comme Carlus, j'aurais aimé ça. Moi, être là-dedans, pourquoi je suis pas là? Fait que ben, vous le regretterez. Donc, il y avait eu 5 participants parce qu'on avait eu 5 patrons qui avaient participé. On avait, je l'ai dit dans l'ordre, comme ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 1, 2, 3, 4, 5, puis check les bien partir. Dans l'ordre, on a Véronique, Patrick, Kevin, Cynthia, Stéphanie. Cynthia, Stéphanie sont en ligne d'ailleurs. Avec, Et là, de 1 à 5, c'est la personne en position 4. Alors, c'est Cynthia. Cynthia, alors, je sais qu'elle est là, live, qu'elle nous écoute. Cynthia, j'ai pour toi Crazy Rich Asians, Upgrade, The Nun, Fahrenheit 11-9, le dernier film de Michael Moore, Smallfoot, un film pour enfants, Incredibles 2 et Skyscraper. Et je t'envoie tout ça tantôt. Alors, félicitations, Cynthia, merci aux autres. Et on a Steven qui a fait une belle face de vainqueur. Oui, Shallow a gagné le score pour la meilleure chanson. Ouais, on s'en doutait un peu. Hein. Oui, c'est pas les Oscars, Steven. Aussi. Hein? Quoi? C'est pas les Oscars, Steven. Non, mais il va gagner le score aussi. Après moi, oui. Donc, oui, félicitations, Cynthia. Puis, c'est ça. Donc, on va commencer le vrai épisode. Puis, ceux qui se demandent vraiment pourquoi je ne suis pas sur Patreon, ben allez sur patreon.com/ fin de regarder films au pluriel. Puis, vous verrez tous les détails, comment ça fonctionne. Sinon, sur fun de regarder films.ca, sur notre site web, petit onglet Patreon à droite, vous allez le trouver assez rapidement. Et sur ça, ben, on commence. JF, t'as pas mal de stock à nous offrir. C'est fait avoir. Je te laisse choisir. Oui, non, ben... parce aussi, JF, il y a comme la voix qui va peut-être partir au courant de la soirée, fait qu'on peut en profiter rapidement. Oui, OK. Ben, je vais commencer avec ce DVD-là, Our Cartoon President. Oui! C'est du... Le producteur exécutif, c'est Stephen Colbert, si vous le connaissez. C'est l'animateur de fin de soirée... que moi j'aime beaucoup. En fait, je suis son émission sur YouTube. En fait, je check ses monologues sur YouTube. Ils sont tous là le lendemain de chaque, ou après la chaque diffusion. Là, puis... puis il est très anti-Trump. C'est vraiment juste ça à cette heure qu'il fait ses jokes. C'est vraiment juste sur Trump. Là, tout le temps. Là. Quand Trump va partir, je sais pas ça va être quoi le contenu de son show, mais sérieux, là, il ne fait que. Ben, je me dis quelque part qu'il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer. T'sais, on va être content, on va être bien débarrassé, mais il va s'ennuyer un peu. Ouais. Mais sa cote d'écoute va faire se dropper. Puis je le trouve vraiment fucking drôle. Fait que oui, j'étais curieux de voir cette affaire-là. D'un autre côté, j'étais un petit peu craintif parce que je me disais, tu sais, il se passe tellement de choses en une journée dans la vie de Trump. Dans l'actualité, moi je le suis l'actualité, j'écoute la radio tout le temps, puis je lis les nouvelles, parce que peu importe, mais c'est ça, ça en passe tellement que tu te dis que à la minute où ça c'est écrit, c'est automatiquement, même avant d'être diffusé, c'est automatiquement dépassé, tu sais, je veux dire, comment tu veux rester, en tout cas, fait que j'ai regardé ça, puis, c'est que c'est plate, c'est une torture. Prends le pire épisode de Family Guy, genre le pire épisode des Simpsons, c'est encore pire là, tu sais. C'est mauvais, je trouve là, c'est pénible. C'est pénible, c'est même pas drôle, je ris pas, je m'emmerde, je suis là puis... Mais T'es-tu capable de voir le gag puis faire comme ah, oh, le gag est mal amené ou le gag était pas si drôle ou c'est trop facile? Oui, c'est, ben, c'est trop facile. Puis, tu sais, je dois donner que les animations. Bon, les animations basiques, c'est pour faire ça rapide. Là, pour, c'était un épisode par semaine, fait que c'était pour faire ça rapide. Puis poursuivre l'actualité, j'ai en fait des animations un peu basiques, mais ils se ressemblent. Je trouve que tu reconnais tout le monde, aucun problème à reconnaître tout le monde, que ce soit la famille à Trump ou c'est les gens qui travaillent autour de lui. Si tu connais un peu l'actualité, tu reconnais tout. Ça, c'est bien. Ouais. Les imitations vocales, c'est quand même bien aussi. Mais encore là, je préfère l'imitation que Colbert fait dans son show de Trump que celle qu'on entend là. Dans, c'est un autre acteur, je ne sais plus c'est qui, je sais pas c'est qui, là, j'ai pas retenu le nom des gens qui font les voix. Mais ça vient pas, je trouve ça mauvais, je trouve que ça rend pas service à ceux qui sont contre Trump. Je sais pas, c'est juste idiot, c'est juste nono, c'est pas bon, c'est pas drôle, c'est vraiment un genre de Peter Griffin Trump là-dedans, mais du sous Peter Griffin, je sais pas, C'est pas de la parodie de Trump, là. C'est carrément on est ailleurs, là. Ben, c'est de la parodie. Veux dire, tu reconnais-tu Trump? Oh oui, oh, oui, tu sais, mais c'est une parodie. Oui, c'est une parodie, tu sais. Ouais. C'est dur à dire pourquoi c'est mauvais. Je sais pas, j'ai écouté 3 épisodes, j'ai dormi le 4e parce que j'étais vraiment plus capable de je trouve ça mauvais, là, mais j'ai été voir d'autres critiques en ligne pour voir si c'était juste moi. Puis non, les critiques en général ont tout été en mixte et très négatives. Tu sais, c'est un mauvais show. C'était diffusé où? Showtime. Je suis vraiment Showtime, surpris parce que c'est le poste qui fait The Handmaid's Tale, qui fait c'est plein de bonnes séries, mais ça, je sais pas, non, ça l'écriture est mauvaise. C'est pas AMC, Handmaid's Tale? Handmaid's Tale, non, c'est Showtime. Non. Showtime. C'est AMC, mais ça, en tout cas. Non, AMC, c'était Mad Men, puis Walking Dead, puis... Fear the Walking Dead. OK. Puis Breaking Bad, puis... ben, plus maintenant, là, mais... Non, c'est Showtime, je sais, je les ai assez écoutés, puis c'est... Ouais, je sais, l'intro, c'est Showtime. OK. Puis d'autres bons shows, tu sais, que j'adore, comme Billions, c'est Showtime aussi. Mm-hmm. Mais non, ça, je te jure, j'ai pas ri, j'ai essayé, j'ai voulu, j'ai avec bonne volonté. Il y a un personnage qui me fait rire, c'est Ted Cruz, là-dedans. Il est vraiment... Ah, tu vois? Il est drôle, puis il est vraiment... Il arrive tout le temps, « Hey, I'm Ted Cruz! » Puis est-ce qu'il arrive de n'importe... Il est dans un... Des fois, il sort, il est dans un garde-robe ou quelque chose de genre. Il est partout, là, show. C'est ça, tu sais. Il est vraiment bizarre, puis il comprend rien à rien, là, tu sais, en tout cas. Il comprend pas le fonctionnement de la pâte à dents. Je suis allé voir sur Amazon un peu, voir les commentaires du monde. Puis, il y a 3 commentaires que c'était écrit Ted Cruz en majuscule. Fait que je pense que c'est ça qui fait le show. Ouais, mais c'est une petite partie du show, tout petit. Ah, je suis déçu, j'avais entendu bien, full de bien. Ah, je suis très, très déçu. Je sais même pas si je vais continuer. Je te dis, le 4e épisode, j'étais comme, je plantais des clous. J'étais comme, c'est vraiment dole. C'est pénible à regarder, tu sais. C'est-à-dire le pire épisode de Family Guy ou des Simpsons, les Simpsons qui sont rendus plates de nos jours, le pire épisode de ça serait meilleur que ça, je suis sûr. Là. Ah. c'est vraiment pas le fun. Vraiment pas le fun. Je serais déçu. Fait que même pas, importe le coup, zéro qualité. Ben, comme je te dis, je reconnais le travail, tu sais. Je trouve que les animateurs font une bonne job pour. Rendre les personnages, comme je dis, le rendu visuel, tout ça, t'es reconnu tout de suite au premier, puis c'est ça, au premier coup d'œil, puis je trouve que ça, c'est intéressant. Hein. Puis pour une série qui se colle à l'actualité, ça, c'est bien fait. Ça pourrait... ben, dans son efficacité, ça me fait un peu penser à la flaque, ce qu'était la flaque, c'est ce qui se collait à l'actualité, puis qui arrivait à faire de quoi. C'était plate, ça. Ben, ça dépend des opinions, moi j'aimais ça, la flaque, mais... excuse-moi. Mais c'est pas le même genre d'animation. Ce que je veux dire, c'est dans son efficacité d'arriver à faire un show à twist, man, puis de se coller à ce qui s'est passé dans l'actualité. C'est pas évident. Il faut que tu écrives tes scénarios par rapport à tout ça. Faut que tu t'envires sur un 5 cents tout le temps. Là, t'sais, comme, il se passe de quoi? Oh, t'as, on rajoute ça dans le show. T'sais. Puis c'est ça qu'il faisait avec Our Cartoon President. Fait que ça, pour ça, je trouve que c'est bien fait, mais. Mais les jokes marchent pas. Je trouve que c'est idiot. C'est idiot. C'est enfantin. C'est des jokes faciles. C'est prévisible au bout. C'est ça. On met beaucoup le focus sur sa famille, là, sur les 2 fils à Trump qui sont des vrais. Sont encore plus idiots que lui, je pense. Puis, en tout cas, c'est ça, c'est pas. Ça marche pas, je trouve. Puis c'est peut-être une genre d'écœur en titre parce que j'ai tellement écouté Colbert que c'est comme. Même des fois, Colbert, je prends un break de lui là, pendant une semaine ou deux. Ouais, je moi comme, aussi. Ok, c'est pas qu'il est pas drôle, là, mais c'est comme, je suis tanné de Trump, je suis tanné de tout ça. T'sais, je l'entends assez aux nouvelles à tous les jours aussi. Ben, on a fait le tour, je pense, avec Trump. C'est surtout que tu fais le tour quand tu t'en parles à tous les jours. Là. Oui, mais c'est parce ça, que t'as pas là, le choix d'un autre côté. Il est là, il existe, il fait des ravages. Il fait des esties de conneries. Là. En ce moment, il fait staller le pays pour son estie d'histoire de mur encore. Là, ouais, vraiment. C'est comme, il faut en parler, il faut dénoncer. Il faut contrer ses actes, mais c'est ça. Maintenant, on vient tout écœurer, tu sais. Ah, mais vous l'aurez pas, votre mur. Je veux mon mur! Ah, c'est un gros bébé. Hein? T'as pas été gentil cette année, mais le show joue là-dedans, dans le fait que c'est dans ces clichés-là de gros bébé, puis va pas plus loin que ça, tu sais. Va pas vraiment plus loin que les clichés de lui qui est assis devant la TV à longueur de journée à écouter Fox ou des trucs comme ça, tu sais. Ça va pas loin dans ces jokes, t'sais. C'est toutes les évidences qu'on connaît de Trump, là. OK. Ça gratouille la surface. Je me serais attendu quelque chose de plus féroce de la part de Colbert. Dans ses monologues, ouais. il est plus baveux que ça, je trouve. Ah, il est très baveux. Il est très, très baveux. Bon, ben, dommage. Ouais. Alors, ce sera à éviter. Steven? Oui? As-tu quelque chose pour nous? Quand même. J'essaie de faire mon rattrapage de films de 2018 que j'ai pas encore vu avant de faire mon top d'ici quelques temps. Fait que j'ai écouté Ocean 8. Oui. De Gary Ross, réalisateur de Pleasantville, Hunger Games et Seabiscuit, le film que tout le monde a oublié. Tu sais, Pleasantville, Hunger Games, Seabiscuit, tu sais, des films avec un point de en commun qu'on peut tous reconnaître. Là. C'est tellement hétéroclite. C'est ça. Moi, j'avais pas de grosses attentes envers ce film-là pour la simple raison que j'aime bien les films de Steven Soderbergh, les originaux avec les originaux, les remakes dans le fond. Avec George Clooney, j'avais aimé les deux premiers, puis j'ai pas été un gros fan du troisième. Et je voyais pas la pertinence d'arriver avec ça. Puis je dis pas ça parce que c'est un film qui tente de jouer la carte au féminin de la même formule que les films de Soderbergh. C'est vraiment juste que. Je trouvais qu'on avait fait le tour avec ces trois films-là, surtout le troisième qui avait perdu beaucoup d'énergie. Puis je voyais vraiment pas l'intérêt, mais je me suis laissé prendre au jeu. Je me suis dit, je vais l'essayer. Et j'ai été relativement surpris dans le sens que j'ai passé vraiment un bon moment. Je dirais que le gros problème de ce film-là, c'est que j'avais un peu raison sur le fait que ça n'apporte rien de nouveau. Dans le fond, c'est vraiment juste Sandra Bullock qui joue la sœur de Danny Ocean, qui est décédé, lui qui était interprété par George Clooney. Et en sortant de prison, ben, comme George Clooney, elle a le vol dans le sang. Fait qu'elle pendant les 5 ans qu'elle a passé à la prison, elle a organisé dans sa tête un gros plan pour aller voler un collier qui vaut des millions durant un fameux gala, le gala Mela, je pense le nom, un genre de gala de mode. Puis là, elle va rassembler toute sa team de girls avec elle pour organiser tout ça, puis aller le voler. Fait tu sais, c'est vraiment en terrain connu, c'est la même formule, la même structure. L'affaire, c'est que Steven Soderbergh n'est pas là, puis Gary Rose, c'est pas Steven Soderbergh. Fait que le film manque cruellement de classe dans sa mise en scène, là où que Steven, je trouvais qu'il arrivait à apporter de quoi de coloré, de vraiment de classy dans sa mise en scène. Là, c'est froid. La photographie est très fade. Fait que j'ai trouvé que visuellement, ça faisait très, très dur face aux trois autres films. Et Sandra Bullock, ben, c'est pas George Clooney. Puis je dis pas ça méchamment, c'est que je trouve qu'elle a pas le charisme pour être la leader dans le film. Je trouve qu'elle l'a pas vraiment. Tandis qu'à pourtant, côté d'elle... Pourtant, à côté de... Oui, excuse, vas-y. Non, c'est correct, mais à côté d'elle, tu sais, Cate Blanchett, elle vole la vedette. Elle joue un peu la genre de... avec sa gomme qui a mâché tout le temps puis son côté un peu punk, puis elle est tellement le fun, elle est tellement charismatique, c'est comme, c'est pas Sandra Bullock qu'il fallait mettre en premier rôle, c'était Cate Blanchett, même si elle est au bout du compte, elle est là pratiquement tout le long du film. Puis j'ai aimé les autres personnages, les personnages joués par Rihanna, je les trouvais vraiment le fun aussi. Il y avait également, j'oublie un peu les noms, mais il y avait Sarah Paulson aussi que j'ai vraiment aimé, mais sur Anna Hathaway, qui joue un peu la fille qui va se faire entraîner dans le coup puis se faire voler le collier. J'ai trouvé vraiment le fun également. C'est vraiment, tu passes un bon moment. Ça dure 2 heures. J'ai pas vu le temps passer. C'est vraiment juste que ça s'arrête là. Je pense que c'est un petit divertissement avec un casting le fun, mais le film a pas grand-chose à offrir de plus. Je veux dire, même le gros coup, là, tu sais, t'écoutais les autres Danny Ocean, puis t'avais comme le plan qui se mettait en place. Tu disais, fuck, man, ça va être intense, gros plan, ouais. Qu'ils vont réussir à voler ça. C'est quasiment mission impossible. Dans ça, là, ça semble être une mission impossible, mais ils réussissent le coup de manière tellement anodine. On dirait que c'est facile de voler le collier. Puis j'étais comme, OK, ouais, il n'y avait pas tant de défis, il n'y avait pas tant d'embûches, il n'y a pas vraiment de suspense. J'étais comme, OK. Y a-tu le classique, parce que dans les autres, il y avait quand même le classique de... on pense qu'on connaît le plan, mais finalement, dans le film, il semble avoir un imprévu dans le plan, mais tu te rends compte que c'était prévu. Puis, tu sais, oui. Là, le film te surprend un peu à travers le plan pour que tu fasses comme « Oh, shit, on en marre. Oh non, ils s'en sont sortis! » Ouais, plus ou moins, mais je veux dire, tu vois les ficelles arriver un peu d'avance, puis c'est vraiment pas mémorable. Tu sais, je comprends pourquoi c'est un film qui a un petit peu passé dans le beurre. Tu sais, j'ai vu mm-hmm. des critiques sympathiques, mais rien de plus, puis je pense que ça équivaut à ça. Un visionnement, vous écoutez ça sur Netflix, vous passez un bon moment avec le casting quand même de très bonne facture, puis c'est le fun, mais écoute, moi, je m'ennuie de Steven Soderbergh et de George Clooney, ça me manque. Dommage, il est sur Netflix? Dommage. Non, moi, je l'ai lu aux vidéos, mais il va sûrement débarquer sur Netflix prochainement. Okay. C'est sûr, là. Oh, oui, sûrement. Dommage. Hey, là, Vicky, j'espère que oui. T'as quelque chose, au moins. Ah, moi, j'ai... Là, il y en a deux qui sont un peu blasés, là. Bon, sinon, OK. Ben, j'ai full le stock, c'est tout pas mal du stock que j'ai aimé. Fait que, vu qu'on est allé avec de l'animation, puis on vient d'aller avec un box-office, j'ai envie d'aller encore ailleurs avec un documentaire. Okay. Justement, qui se trouve sur Netflix, American Meme. Avez-vous vu... J'ai vu passer, mais j'ai pas écouté. Pas en tout. OK, c'est excellent. Le cover, je pense, c'est Paris Hilton. American Meme, ça porte un regard sur les fameux influenceurs. Je sais que les personnes concernées n'aiment pas le terme, ils veulent créateurs de contenu et je les comprends parce que si tu crées pas de contenu, tu n'es pas vraiment un influenceur. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux dans son but-là ne veut pas être un influenceur, mais un créateur de contenu intéressant. Bref, je vais utiliser quand même le terme créateur de contenu par respect. Mais c'est ça, c'est que ça suit les plus gros créateurs de contenu américains avec tout ce que ça a de pathétique, mais d'intéressant. Moi, je m'y connais pas beaucoup. Je suis pas une navigateuse YouTube ben. Je suis pas quelqu'un qui s'abonne à ben des pages. Puis là-dedans, t'as une fille qui faisait du Vine, tu sais, des petites vidéos Vine, ouais. Qui était hyper suivie, puis qui a fait sa popularité puis son argent grâce à ces vidéos-là. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est super intéressant. Ça l'aborde plein de sphères, puis ça l'aborde la difficulté de rester au top, le stress de rester au top, mais ça l'aborde aussi comment c'est un médium que tu te crées toi-même, que ouais. Tu t'inventes toi-même, que tu peux du jour au lendemain tirer la plug, mais que tu t'abreuves de ça. Ça montre la drogue aussi. Il en parle un peu, mais pas la... Ben, oui, il parle des drogues, mais je veux dire qu'on n'a pas étudié l'effet encore des réseaux sociaux sur ton cerveau en tant que drogue, fait que ça montre la dépendance de ça. Et ça met beaucoup Paris Hilton aussi en scène comme étant la reine, tu sais, celle qui a réussi ça, celle qui a compris comment ça marchait, celle qui a mis sur la map l'effet d'être une star, puis celle qui sait comme se servir de ça. Mm-hmm. Et c'est époustouflant. J'ai vraiment adoré American Meme. C'est sur Netflix. Pour vrai, c'est le genre de truc que j'écoutais en me préparant avant d'aller ailleurs. Tu te dis, bon, c'est pas grave, c'était pas super focus. Le but, c'est ce qui se dit. Puis je t'arrive en retard où je devais aller parce que c'était juste trop bon, je l'ai pas arrêté. Ça met vraiment beaucoup de choses en perspective. Puis je suis une personne qui juge. J'ai un très préjugé négatif par rapport aux gens qui exposent leur vie sur les réseaux sociaux. Même s'il y en a qui trouvent que je le fais personnellement, moi, je me trouve modérée. Juge-moi pas. Non, il n'y a aucun de vous trois qui expose ouais. vraiment. Il y a JF qui envoie beaucoup de photos de Vincent, mais c'est en privé. Fait que ça mais sinon, tu sais, je veux dire, je parle vraiment de gens, tu sais, souvent, tu sais, des gens qui sont donc heureux, puis t'apprends deux semaines plus tard qu'ils vont divorcer. Ouais. Vous comprenez, tu sais? Puis moi, je juge énormément ça parce que je me dis, Tu sais, puis le monde, ils disent que j'en mets trop sur Facebook, mais c'est parce que ce que je mets, c'est ma réalité d'entrepreneur. Puis souvent, ça peut être même négatif. Fait que je me dis, Chris, qu'on n'en parle pas assez des aspects négatifs de notre réalité d'entrepreneur. Puis c'est parce qu'on veut que du glamour sur les réseaux sociaux. Tu sais, on m'a dit, on m'a demandé d'être moins négative sur Facebook. Tu sais, on m'a l'a reproché. Puis ce documentaire-là met énormément en perspective le glamour, le positif, le est-ce que c'est vraiment ça? Puis, tu sais, d'où est-ce que ces gens-là sont partis? Puis où est-ce qu'ils pensent aller? Parce qu'il y en a qui ont fucking no clue where, tu sais, où est-ce qu'ils vont aller. Il y en a gros qui disent qu'ils se sentent seuls à la fin de la journée. En tout cas, fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça s'appelle American Meme. C'est sur Netflix. Cool. Je serais curieux de savoir ce que les influenceurs québécois en pensent. Parce que ces genres de trucs, là, est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça porte un jugement? Non, parce que c'est fait par les créateurs de contenu. C'est les créateurs de contenu qui parlent à la caméra. Mais je pense qu'il y en a beaucoup là-dedans qui font comme « je réalise pas l'impact ». Il y en a qui disent « je suis pris dans une spirale », d'autres c'est « je réalise pas l'impact », d'autres c'est « je me sens vraiment seule ». D'autres qui disent que ça fait accuser de vol, puis il est comme « ouais, mais je m'en fous, moi j'ai des suiveurs ». Tu sais, c'est comme, il y a du négatif, mais il est amené par les gens face à la caméra. J'ai pas le feeling que c'est le montage qui rend négatif. Cool. Parce que, ouais, ça reste que c'est un sujet qui est bien sensible chez les créateurs de contenu quand on en parle, parce que c'est quelque chose qui est tellement nouveau que on dirait qu'à toutes les fois que quelqu'un en parle, les gens font comme « Non, t'as rien compris, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. » Parce que dernièrement, il y a eu un reportage de Radio-Canada qui parlait de comment les influenceurs québécois faisaient de l'argent. Mais tu sais, il a juste fallu que Radio-Can titre son article « Les millionnaires du web » pour que les influenceurs, plutôt que d'écouter le contenu, fassent comme « Oh, c'est bien, on n'est pas des millionnaires, qu'est-ce que vous pensez? » C'est débile. Là, le monde, ils sont le contenu et c'est leur contenu. T'sais, c'est comme si, je sais pas, dans ton resto, c'était la recette de ta grand-mère que tu... c'était comme juste tes recettes familiales. Fait que quand quelqu'un disait « Hey, ta poutine n'est pas bonne, tu te prendrais personnel parce que c'est toi, tu sais. » C'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que moi, je sens au Québec, en tout cas, ben, probablement partout, beaucoup de jalousie aussi par rapport aux créateurs de contenu qui réussissent énormément. On dirait qu'ils ne voient pas les sacrifices, puis ils ne voient pas le temps, puis ils ne voient pas la discipline que ça prend pour être un bon créateur de contenu. C'est débile. Puis moi, je sens beaucoup de jalousie dans le sens où il y a eu une publicité de Coca-Cola durant le bye-bye faite par des influenceurs. Mmh. Moi, encore une fois, j'utilise créateur de contenu, mais là, c'était vraiment influenceur, c'était le titre de la publicité. Bref, des gens qui se sont tagués influenceurs. Puis il y a eu beaucoup de jalousie de c'est qui eux, blablabla, blablabla. Ah, oui. Puis j'étais comme, moi, je suis fascinée par ces gens-là. Je suis fascinée parce qu'ils ont réussi quelque chose que je ne saurais même pas par où commencer. Non, je suis débile. Moi, ça... Hey, puis c'est un méchant saut dans le vide, là. Commencer à faire, OK, moi, je vais vivre de ce que je mets sur Internet. Moi, en tout cas, je suis fascinée. Tu sais, j'ai pas de compte Instagram. Fait que moi, j'ai pas de jalousie par rapport à ça. C'est sûr que, pour prendre un peu de perspective, quand ils ont fait leur chanson « Nous sommes le web, nous sommes l'Internet », ça, oui, ça méritait d'être ridiculisé parce que c'est pas eux l'Internet, c'est pas eux le web. Ça, ça m'a tombé ses nerfs parce que c'était s'approprier un médium qui est là pour tous. Je veux dire, on n'a pas chanté dans ce tune-là puis je me sens autant sur l'Internet, nous quatre ensemble, que eux. Ça m'a tombé ses nerfs. Mais voir les influenceurs comme des rapaces, là, tu sais, comme des parasites, ça me gosse parce que c'est pas ça. Puis ce film-là, American Meme, met ça en perspective. T'en as des rapaces, t'as des parasites, mais t'en as qui ont juste pogné la bonne vibe au bon moment. Cool. Je l'ajoute sur ma liste. Good. C'est cool. Je le voyais passer, puis j'étais comme... Bon. Mais c'est good. On s'en rechassera en privé. C'est à mon tour. Je vais vous jaser de... C'est même pas moi qui devrais jaser de ce film-là, à voir à quel point que c'est pas moi qui est le fan du réalisateur. A Simple Favor, le dernier film de... Et j'échappe le DVD. C'est à ce point-là que je l'aime pas, ce film-là. Non, le dernier film de Paul Feig. Paul Feig. Ceux qui se demandent c'est qui non Paul Feig, c'est lui qui a réalisé Dernier Ghostbusters, The Heat avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy, Bridesmaid, Spy. C'est pas mal ça, ses gros hits. Spy. Okay. Moi, j'ai osé dire que je n'étais pas nécessairement un fan du réalisateur. Et là, les deux gars, là ils se sont enflammés. T'sais. Les autres, ils ont réalisé qu'ils pensent que pas fan veut dire je déteste ce réalisateur. Non. C'est que quand un nouveau film de Paul Feig sort, je fais juste comme OK, il y a un nouveau film de Paul Feig. C'est cool. Peut-être je l'écouterai un moment donné. T'sais, je ne suis pas sa carrière religieusement, même si, finalement, comme je disais, j'ai trippé solide sur Spy. Bridesmaid m'avait fait bien sourire. The Heat avait des certains bons gags. Ghostbusters, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé dans tout le lot. Ouais, mais Simple Favor, puis toi, je pense que Vicky, c'est la même chose. La bande-annonce m'avait vraiment aimé. Parce que tu fais comme, OK, là, parce que tu regardes la bande-annonce, puis là, tu fais un film de Paul Feig, ça. Ça a l'air d'être totalement autre chose. Parce que là, on a un film qui met en vedette Anna Kendrick, que vous avez pu voir peut-être dans les. On a la trilogie de films de Pitch Perfect, merci. Et Blake Lively, entre autres, dans The Shallow. C'est une comédie noire, enquête policière. Je vais essayer de résumer le film sans trop en dire. Anna Kendrick et Blake Lively jouent deux mères qui ont leurs enfants dans la même maternelle. Anna Kendrick est une genre de mère overwhelmée. Son enfant, elle dédie sa vie à son enfant et à son vlog. Regarde, il y a comme un lien. C'est une influenceuse. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, avec Sandra Bullock de tantôt, tout est là. Blake Lively est une mère blasée, riche, qui n'en a rien à foutre de son enfant, qui cherche juste une nounou pour pas l'avoir. Donc, par la force des choses, ils deviennent un peu amis parce que Blake Lively se sert d'Anna Kendrick pour se faire garder son enfant, tout ça. Puis, un jour, elle va dire à Anna Kendrick, « Pourrais-tu aller chercher mon enfant après l'école pour la genre Xème fois? J'ai vraiment de quoi d'important, puis je vais venir le reprendre. » Mais finalement, 3 jours, 4 jours plus tard, elle n'est pas revenue. Et finalement, Blake Lively est considéré disparu. Et Anna Kendrick, avec l'aide du chum de Blake Lively, vont décider qu'ils vont enquêter sur la disparition de Blake Lively. Et c'est ça. Ça reste que c'est une mère au foyer qui décide qu'il va faire la job des policiers. Donc là, on a un film avec un genre de petit humour noir d'enquête policière. Mais avec la principale enquêtreuse, que c'est une mère. Tu pourrais penser que ça va virer en comédie un peu loufoque, parce que, Anna Kendrick, c'est pas une policière. Mais non, le film, on dirait qu'il oublie qu'Anna Kendrick, c'est pas une policière, puis il en fait quelqu'un de vraiment hot, tu sais. Elle est vraiment solide comme enquêteuse. Puis, c'est ça. Donc, le film, c'est... qu'est-ce qui est arrivé à Blake Lively? Es-tu morte? Es-tu disparue? Es-tu sauvée parce qu'elle n'avait plus son enfant? Whatever. Le film tient vraiment en haleine. Pas en haleine stressée, mais tu sais, tout le long de l'intrigue, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Tu as tout le temps l'impression que quand tu apprends ce qui s'est passé, c'est pas tout à fait ça. T'sais? Puis des fois, tu sais, les gens racontent quelque chose, puis tu vois le flashback de ce qu'ils racontent, puis tu te rends compte que ce qu'ils racontent n'est pas tout le flashback que tu es en train de voir. Fait que tu sais, il y a tout le temps, genre, chaque personne a son petit secret. Chaque personne manipule tout le monde. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu de Paul Feig, je vous dirais. Mais est-ce que c'est fidèle à la bande-annonce? Genre que moi, j'ai full trippé sa bande-annonce, je vais tripper sur le film. Ouais! Yay! Ouais! Ouais. Bon, regarde, mais à cause de Cœur de pirate, pourquoi il y a une toune de Cœur de pirate? Ouais, c'est dans la bande-annonce, c'est la toune de Cœur de pirate. Ah ouais, okay. En plus? Ben écoute, le film, le personnage appelé Clive n'écoute que de la musique française. Fait que c'est peut-être pour ça. Là. Ce n'est que des classiques français, là, genre Bonnie and Clyde, puis tout ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment un bon film d'enquête, une bonne comédie. J'ai ri pendant le début, la comédie est là, mais elle finit par disparaître un peu plus pour vraiment embarquer dans l'enquête. Il y a peut-être un bout, parce que tu peux peut-être deviner ce qui va se passer, mais même là, c'est pas grave, parce que le film est vraiment bien monté. Il traîne pas en longueur. Je pense qu'il dure, je cherche sa durée rapidement. Voyons, on sait qu'on trouve ça sur un DVD déjà. Ah oui, dans le Baba d'habitude. Ah, 117 minutes. Bon, ben, hey, mon Dieu. Oui, c'est vrai. À un moment donné, je me suis dit... C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai checké combien il restait de temps, puis je me disais, voyons donc, le film peut pas encore avoir 50 minutes de stock. Puis oui, il y avait encore 50 minutes de stock. T'sais, tu penses que le film est sur son dernier acte, mais non, t'sais, le film continue. Ouais. Puis peut-être qu'il va peut-être paraître long, mais non, moi, jusqu'à la fin, j'ai été accroché. Le personnage d'Anna Kendrick est vraiment le fun. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. Elle tient le film sur ses épaules. Elle est solide, cette actrice-là. Moi, je suis amoureux de cette fille-là. Dans ce café, je l'adore tout le temps. Blake Lively joue vraiment bien la bitch. Puis la manipulatrice. C'est distribué par les Films Séville. C'est d'autres qui nous ont envoyé la copie. Je vous avais vraiment dit, je veux avoir une copie de ça. Puis, tu sais, mes attentes étaient hautes, puis ils ont été remplis. Fait que si vous cherchez le petit film que vous dites, me semble que j'ai peut-être passé à côté de quelque chose, je pense que tout le monde a peut-être passé à côté de Simple Favor, parce que, oui, il y a eu la petite pub avant que ça sorte au cinéma, mais après ça, on n'a pas réentendu parler, pas en tout. Ça a vraiment passé en dessous des radars. Et ça ne devrait pas, surtout pour des fans de Paul Feig. Je voulais aller le voir, moi, quand c'est sorti, ça n'a juste pas donné. Ben, allez-y, c'est juste que c'est ça, attendez-vous juste pas un spy ou un bridesmaid ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, deux personnages féminins forts en tête d'affiche. C'est la touche Paul Feig, je vous dirais. Elle est là. Mais tu sais, c'est ça. T'as aucun gros personnage. Il y a peut-être quelques parents de la garderie qui sont des comic relief de temps en temps. Mais ils sont tellement rarement là qu'on est loin d'un Melissa McCarthy dans Bridesmaid, exemple. Que tu sais, t'attends toujours sa prochaine scène parce que tu fais comme « Ah, elle arrive, yeah! » Là, c'est juste comme « Ah, ils viennent de pousser un gag, ok, on passe à d'autres choses. Okay. » Mais non, c'est vraiment trippant. Donc, je vous le conseille très, très fortement. Jeff, on va y aller avec un autre de tes trucs, puis après ça, on va passer à une petite pause musicale, je pense. C'est beau. Fait que je voyais avec la saison 1 de Instinct. Je vais le montrer à l'écran. La version télésérie du film avec Anthony Hopkins? Tu sais que tout le monde a oublié encore une fois. Je sais pas de quoi tu parles. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est vrai, je l'ai pas vu. C'est une série qui est passée à CBS cette année, je pense. Puis c'est ça. C'est inspiré d'un roman de James Patterson qui s'appelait Murder Games. Et ça met en vedette Alan Cumming. Là, je vous dirai pas dans quoi il a joué parce qu'il a joué dans 3 millions d'affaires, mais allez googler son nom, Alan Cumming, puis vous l'avez tout vu. Le film des Spice Girls. Ben oui, entre autres, il joue dans les Spice Girls. Faut pas mentionner ça. Le pire, c'est quand je le vois, c'est la première chose qui me vient en tête. Moi, c'est drôle, la première chose qui me vient en tête, c'est le tour du monde en 80 jours avec... la version de Disney qui a comme bombé, mais que j'ai eu vraiment du fun, là. Ouais, avec Jackie Chan. Ah ouais, c'est drôle. Fait que c'est une comédie policière, c'est une série qui reprend plein de clichés de la série policière, là, avec le petit duo qui fit pas vraiment ensemble, sauf que cette fois-là, ben, c'est un homme gay avec une femme célibataire, fait que c'est pas, y a pas de truc romantique entre les deux, là, t'sais. Fait que on a lui qui est un professeur d'université qui enseigne, puis a écrit un livre sur le comportement anormal. Ça a été un gros, son livre a été un gros best-seller. Fait que là, elle vient chercher cette policière-là pour qu'il l'aide sur une enquête, là, sur un serial killer dans la ville où ils sont. Puis je me souviens même plus c'est quelle ville, en fait. Mais c'est ça. Puis que là, lui, il décide de l'aider, puis tout ça. Puis ils vont résoudre le mystère, puis tout ça. Puis à la fin du premier épisode, ben, il demande de venir de devenir son consultant ou son partenaire, si on veut, parce qu'elle n'a pas de partenaire. Elle a eu plein de problèmes avec ses partenaires. Ils sont tous morts après l'autre. Puis lui, ben c'est ça. Il cache un secret. C'est qu'en fait, c'est un ancien agent de la CIA. Mais ça, elle ne sait pas encore. Puis c'est ça, dans le fond. Lui, il voulait... il est en train de travailler sur son deuxième livre. Ça marche pas. Son éditrice, c'est Whoopi Goldberg. Elle a essayé de le pousser dans le cul pour ce qu'il y ait de la police, pour avoir des nouvelles expériences. Fait que c'est ça qui va le pousser un peu à accepter l'offre de la policière. Je trouve ça, encore une fois, mal écrit. Je trouve que c'est mal monté. On dirait que chaque épisode est un résumé de l'épisode. C'est tellement trop rapide. Les scènes vont trop vite. On n'aboutit jamais à rien, aucune scène. On n'approfondit jamais rien. Les relations sont... entre les personnages, c'est un peu n'importe quoi. T'sais, tu comprends pas trop... ça va trop vite. Ça va juste trop vite. C'est mon gros problème avec la série. Ça va trop vite. Puis, je trouve que l'actrice principale que je ne connaissais pas et qui s'appelle Bojana Novakovic, je prononce souvent très mal son nom, elle est pas très bonne. Elle est vraiment pas bonne. Lui, il est correct. Il illumine chaque scène dans laquelle il est. Là, puis, mais elle, ça clash entre les deux, je trouve. Puis, ben c'est ça. T'as Whoopi Goldberg qui joue un petit rôle de soutien. T'as... son ancien ami de la CIA à lui qui vit... son ancien ami, c'est Nevin Andrews. Si vous avez écouté Lost, c'est lui qui faisait Saïd. Dans le fond, c'est un gros cliché parce que tout ce qu'il fait, c'est vivre dans une sorte de pièce où il y a juste des gros écrans d'ordinateur, puis lui, il est capable de l'aider à trouver tous les renseignements que la police n'a pas. Là, puis c'est juste un gros cliché du gars de la CIA qui est là pour l'aider à avoir tous les renseignements. Mais il y a pas... c'est pas des personnages en chair, il y en a, c'est des clichés. C'est des clichés de séries policières. C'est du sous-Castle, du sous-X-Files, du sous... nommez-moi toutes les séries policières qu'il y a, là, puis ça, c'est tout du sous ça. Ça essaye d'être ça, ça essaye de s'élever à ce niveau-là, mais ça réussit pas en tout. Je pense à un million d'autres séries quand j'écoute cette série-là. Puis toutes des meilleures séries que celle-là. Mais j'ai quand même un petit goût de revenir-y, tout petit. Je suis quand même curieux de voir où ça s'en va, la première saison. Puis je dirais que mon point préféré là-dedans, c'est sa relation, lui, avec son chum. C'est niaiseux, c'est vraiment... c'est tout le temps laissé, tu sais, genre... il y a trois scènes dans chaque épisode, genre avec son chum. Là, c'est juste une petite histoire à côté de l'histoire principale, mais c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est là que Alan Cummings, pis c'est là qu'il joue son personnage de manière la plus sérieuse et dramatique et intéressante, je trouve. Puis j'étais vraiment déçu parce que sur le disque, ce premier disque, dans le fond, où c'est le premier épisode, t'as des scènes effacées. Puis une des scènes effacées du premier épisode, c'est une scène entre lui et son chum où il parle d'adopter des enfants. Puis son chum, il dit, tu sais, t'as pas l'air vraiment dedans, on veut partir une famille, mais je suis pas sûr que t'as vraiment envie. Puis tout, puis il s'ostine un peu là-dessus. Puis je trouvais ça super intéressant. Puis on coupait ça de l'épisode. J'étais comme, fuck, ça aurait rajouté un peu de quelque chose de sérieux à cette affaire-là. Tu sais, c'est trop léger, c'est trop. En général, les épisodes sont juste trop, c'est ça, bourrés de clichés de la série policière typique. Je suis déçu, j'aurais voulu aimer plus ça. Puis je suis bon public pour les séries policières. T'sais. Je parlais cet automne de Rookie avec Nathan Fillion, qui est pas si bonne que ça, mais qui encore là arrive à plus t'intéresser à ses personnages que ça, que cette affaire-là. Ben là, peut-être qu'un jour je lirai le roman, et je pense que ça peut être sûrement meilleur. Je pense que James Patterson est un gros nom de du roman policier. J'ai jamais lu aucun de ses romans, mais c'est un ma copine connu. Est une fan finie, là. Je pense qu'elle lit toutes ses livres. Est-ce qu'elle a lu ça, Murder Games? Faudrait que j'y demande. En tout cas, je suis curieux de voir si c'est... Ben, j'imagine que c'est meilleur, là. Je le recommande, mais vraiment du bout des lèvres. Je suis comme... il y a tellement des choses meilleures que ça. C'est pas mauvais, là. Il y a des bonnes idées, mais c'est... c'est bourré de clichés. Il y a des bons acteurs, mais c'est bourré de clichés, puis c'est super léger, puis je trouve que c'est un peu une perte de temps. Je vais le regarder par curiosité, mais c'est un peu une perte de temps. Il y a des choses vraiment meilleures que ça à regarder, je trouve. Là, t'es pas chanceux avec les séries derrière moi? Non, ces deux-là, j'étais comme « Ah, fuck! » Puis en plus, c'est deux qu'on s'est fait donner, fait que il y avait un devoir de les écouter. Oui, c'est ça. C'est correct. Au moins, il n'est pas payé. Tu sais, c'est déjà ça. Mais là, si quelqu'un du studio nous écoute pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on dit là-dessus, on va faire Ben là, on ne nous en verra plus. Il nous chisse nos coffrets. Je sais pas ça fait là. Ben écoute, faut rester franc quand même, hein, puis pas devenir un Fangoria du podcast. Ah! J'arrête. C'était le commentaire éditorial de cet épisode. C'est justement bon public. Justement bon public pour la télé. Je veux en écouter, puis ça, j'adore ça, c'est ce genre d'affaires-là, mais j'étais déçu. Je peux pas te dire autrement que... T'sais, j'étais vraiment déçu, j'étais comme c'est dole, c'est pas ben c'est dole, c'est léger, c'est quoi, je me répète là, mais c'est la véritable question, c'est t'as envie de continuer une de ces deux séries là que tu viens de parler ou MacGyver? Je vais continuer Instinct avant de continuer MacGyver. OK. non c'est bon. J'ai peut-être pas été assez clair, mais ça c'est pas si mauvais que ça, non, mais non. C'est mais Castle c'était léger puis c'est meilleur que ça là. Selon moi. Okay. Bon, ben écoute, c'est bon. Ben, on va y aller en pause, une petite pause musicale. On va prendre un petit break. On va aller se faire un refill de whatever on est en train de boire. Puis, je cherchais qu'est-ce qu'on allait écouter. Puis c'est drôle, aujourd'hui, j'ai fait écouter du Keith Kuna à Elliot. Je ne sais pas si vous connaissez Keith Kuna, chanteur québécois. Oui. Puis, il y a une chanson qui s'appelle Pas de panique. Qui parle de être une vedette puis avoir de se forcer dans les galas tout ça puis forcer beaucoup son image puis je trouvais que ça fitait avec ce que Vicky nous a raconté puis le fait qu'on est en train de d'être en pleine soirée des Golden Globes, fait que on se laisse avec on part en break avec pas de panique, on va revenir avec tantôt. J'ouvre le frigo et puis je tombe dans le vide entre un vieux spaghetti au pesto et un oignon qui agonise. Je bats des ailes et je m'ennuie. Je ne vends pas de disques, m'imagine une autre vie pleine de succès et de fric. On me voit partout, je fais tous les plateaux de télévision. Je fais le beau devant les radios et je chante pour les cons. Tout ça me mène jusqu'à la disque et le vote du public. Je monte sur la scène hystérique et j'embrasse mon Félix. Je remercie père et mère et tous les Québécois en ajoutant que je suis fier parce que je fais mon rock à moi. Mais j'entends des voix qui me disent indie, trendy, hipster, preppy. Je me fais musique et baise. J'ai les cheveux et le style pour grimper sur les palmarès et aux jambes des filles. Mon côté rebelle et artiste séduit les matantes, les mamans qui se disent que je serais un bon fils, un bon gendre ou un bon amant. En tournée j'exige dans ma loge des craquelins et des fromages fins, un Bordeaux et quelques bourgognes, un PlayStation et des coussins. Avec le band on parle des bitches, on se fait des tracks à l'hôtel. Je cause allègrement de Nietzsche, ça dépuis de Machiavel. C'est tripatif, je suis très rock, mais j'ai de la cervelle. Je me déplace en van pis je dis fuck au système en touchant ma paye. Mais j'entends des voix qui me disent, des voix qui me disent, et pas de panique, je vais payer tout ça bientôt et je donnerai plus de titre. Et pas de panique, y'a déjà le type des impôts avec qui je m'explique. Et toujours ces voix qui me disent, ces voix qui me disent. Schling, schling, schling, le temps passe vite, j'suis un peu moyenne. Il faut que je me démène pour ne pas devenir un has-been pis vendre mon condo sur la main. Je fais des peurs de cellulaire, de bagnole ou de bière. Entre deux tournées de promotion pis toutes mes collaborations, je me positionne contre la guerre, contre la famine et la misère et contre le pire des fléaux, le téléchargement illégaux. Sinon je fais une sortie publique et un petit scandale dans les radios pour de mâcher tout qu'on boucle pas d'un festival. Mais j'entends des voix qui me disent, des voix qui me disent, et pas de panique, il reste encore un kilo de champignons magiques. Qui me disent, oh, je referme le frigo Et on est de retour après une demi-heure de blabla hors ligne. C'est débile ce qui se passe quand vous n'êtes pas en train de nous écouter en différé. Les choses qui se disent live, c'est assez débile. D'ailleurs, pendant le live, écoute, il y a Pascal Jacob sur le chat qui a décidé tout bonnement d'offrir un code à faire tirer pour Atomic Blonde. Et Vicky a eu le droit de participer. Puis ben, c'est Vicky qui l'a. Yay! Check là. Donc, c'est ça. Donc, il a fait une heureuse. Puis ben, on a encore bien des choses à jaser. Puis ben, je vais redonner la parole à GF. T'as pris ton petit miel. Oui. Là, ça va bien. Une petite pastille de Fisherman Friends, fait que c'est ça. Je me suis acheté cet automne le coffret de Kino Pioneers 2. First Women Filmmakers. Le coffret Blu-ray, ça existe en DVD aussi, mais le coffret Blu-ray est plus complet. C'est 6 disques, il y a 50 films restaurés en 2K et en 4K. 50. Ouais, okay, mais c'est restauré, là. C'est pas comme les autres coffrets cheapettes là, de les 50 films de l'horreur. Oh, vraiment pas. C'est Kino, vraiment c'est pas. Ça, c'est Kino, c'est ça. Ah non, c'est de la bombe, là. Non, non, puis 50 films, mais tu sais, ça va du 10 minutes au, à 1h30, ouais. Peut-être, ou 2 heures, là. Ah, ok. Il y a beaucoup de petits courts-métrages ou d'extraits de films parce que les films complets sont perdus des fois. Puis c'est toutes des femmes réalisatrices. Je m'excuse. Puis. C'est ça, il y a un livret de 80 pages que c'est la première chose que j'ai fait, je l'ai lu, puis là, t'as tout le travail derrière le coffret, tout ça, puis la recherche des films. Puis c'est ça, Steven, il disait avant l'enregistrement qu'il connaissait pas la plupart de ces films-là, tu sais. C'est normal, parce qu'il y a beaucoup de ces films-là qui ont jamais été vus avant d'être dans ce coffret-là. Puis en fait, ce qu'on apprend en lisant le livre, c'est que l'histoire du cinéma a été mal enseignée, puis mal écrite, en fait, parce que dans les années 1910, les femmes, autant que les hommes, étaient réalisatrices. Ils occupaient tous les postes, puis il n'y avait pas d'inégalité, en fait. Les producteurs, les studios, tout ça, ils autres, ils cherchaient à avoir des films. Fait que n'importe qui pouvait réaliser, n'importe qui. Mais à un moment donné, quand les choses se sont consolidées, quand les studios, dans les années 20, ont décidé d'être plus gros et tout ça, puis de se consolider, en fait, c'est que les femmes ont pris le bord, les hommes ont décidé de prendre le dessus, prendre le contrôle des choses, puis les femmes ont pris le bord. Puis des femmes qui étaient super hot dans les années 10, qui réalisaient des centaines et des centaines de films, ont été complètement tassées de l'histoire du cinéma à partir des années 20. Puis il y en a quelques-unes, c'est écrit dans le livre, ils nomment des noms, qui ont écrit des articles ou des livres des années 20 pour dire « Moi, j'étais là, il y a 10 ans, puis je faisais des films, personne ne se rappelle de moi, tu sais, personne. » Puis en plus, il n'y avait pas de DVD, non. Pas de VHS, rien. Les films n'étaient plus en circulation, ou des fois, ils avaient été brûlé ou peu importe, tu sais, puis il n'existait plus. Il y en a une, elle, je pense que c'est celle dont le premier disque au complet est consacré à elle, c'est Alice Guy Blaché. je pense que si c'est bien elle, vers la fin de sa vie, elle cherchait ses films des années, les premiers films qu'elle avait faits durant les années 10, puis elle ne les trouvait pas, ils étaient introuvables. Ils ont été trouvés genre 10 ans après sa mort, en tout cas, la plupart de ses films ont été trouvés genre 10 ans après sa mort des années 70, puis. C'est ça, c'est sa fille et ses enfants qui sont occupés de... Ris pas, Seb, s'il vous plaît. Hein? Non, je pense à des gags mauvais, vraiment. Là, je suis comme en mode, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus colon? Là, je l'ai dit pas. Ben, de trop tard, t'as commencé disant une. Non, je veux même pas interrompre GF. Il y en a genre 8 qui m'ont passé par la tête. C'est vraiment des gags colons poches. Fait que ils sont même pas drôles. C'est juste genre du gros rire gras d'innocent. Je peux pas en parler en détail tellement tant que ça du coffret parce que je suis loin d'avoir tout vu. J'ai juste vu le premier disque en fait. Puis c'est sur cette femme-là, Alice Guy Blaché. Puis c'est intéressant parce qu'elle a fait le premier film américain tourné avec juste des noirs. C'est une petite affaire de 10-15 minutes. Puis c'est intéressant. Mais c'est des petites comédies, des petits films comme on peut s'attendre à voir des années 10. Là. Puis. J'ai hâte de voir le reste aussi parce qu'il y a un film réalisé par une femme d'origine chinoise qui a fait le premier film The Curse of Kwang Guang, qui est le premier film américain réalisé avec juste des Américains d'origine chinoise. C'est ça, puis c'est des femmes, tu sais, des fois, il y en a qui possédaient leur propre studio. c'est ça qui était autant auteur, réalisatrice, actrice, productrice, etc. Il y a des noms comme Lois Weber qui était même assez connu. Puis les autres, c'est ça, je ne connais pas bien, bien Dorothy Davenport Reed, Frances Marion, en tout cas Mabel Normand qui apparemment a enseigné à Charlie Chaplin des trucs pour le sur comment écrire, je pense, des scénarios, comment réaliser. En tout cas, il y a plein de choses, puis je trouve que ça vaut vraiment la peine de c'est un achat là, que je regrette pas du tout, puis. Il y avait un article qui est sorti, je ne sais plus c'est dans quel... il y a une liste que je pense que je vous l'avais partagée en privé. C'est une liste des meilleurs coffrets DVD de 2018. C'était une grosse publication. Puis il y a d'autres qui avaient nommé ce coffret-là parmi les meilleurs coffrets de 2018. Pis c'est ça. C'est super important, je trouve. Pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire du cinéma, moi, avoir vu ça quand j'étais étudiant en cinéma, ça a été extraordinaire. Puis ça l'est encore dans ma vie. Je veux dire, je m'intéresse à l'histoire du cinéma. Puis il y a des découvertes là-dedans extraordinaires. Puis j'espère que les profs dans les universités vont se servir de ça pour corriger les erreurs qui ont été faites. Ouais. Ça vaudrait la peine d'avoir un pan du cours qui est consacré à ça. Là. Parce c'est intéressant. Il y a. En plus du livre, ben, tu as un petit documentaire au début, dans le tout premier disque, qui reprend un peu les propos du livret, puis qui dit justement, il y a une femme qui a dit, ben, tout ce qu'on nous a enseigné, c'est ça, c'est plein d'erreurs, plein de trous, parce qu'il y a plein de femmes qui réalisaient, puis qu'on a complètement oublié. Puis elle dit, si on avait su ça, si les femmes avaient su ça, il y en a plein qui se seraient lancées dans la réalisation encore plus. Puis on aurait eu une histoire de cinéma qui aurait été complètement différente dans les années 30, 40, 50. Ça aurait été complètement différent. Ça a été dominé par les hommes, puis c'est ça. C'est ça, mais c'est pas pour rien qu'on le sait pas. Là, ben non, c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Puis la l'image, c'est super beau. C'est vraiment très, très beau. C'est sûr que des fois, il y en a certains qui... Ils ont souffert un peu avec le temps, là, En effet. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour les restaurer, puis je trouve que c'est un très très beau travail. Là. Alors, puis. Je vais te poser. Dernier point important, je trouvais toute la musique, sauf peut-être une couple d'exceptions, mais toute la musique a été donnée à des compositrices et des femmes. Voyons, des interprètes et des compositrices féminines. C'est ça. Good. Puis là, je vais poser la question qui tue. Est-ce que l'idée derrière le coffret, le livret, tout ça, est plus intéressante que les films en eux-mêmes? Ben, c'est sûr que ça prend un intérêt pour ça. Ça prend, tu sais, je sais que t'aimes Chaplin, tout ça, mais quelqu'un qui, comme on a dit souvent, il y a des gens qui sont pas capables d'écouter des films d'avant l'époque où ils sont nés, ben oublie ça, avant les années 80, mettons, ou avant... Ça va être dur de les intéresser à ça, tu sais, c'est... Mais je veux dire, en tant que tel, là, tu sais, les compares, là, je veux pas dire les non, hommes sont meilleurs que les femmes, whatever. Vu le premier disque, mais j'ai juste vu le travail d'une femme, puis elle faisait autant de la petite comédie quasiment théâtrale là, qui se passe dans une maison que du western. Il y a des westerns. Elle a fait des trucs sociaux, tu sais, sur le divorce ou peu importe, des trucs comme ça. Fait que ça va dans tous les styles. Fait que ça peut... Mais je pense que ça peut toucher tout le monde, ça peut intéresser tout le monde, mais c'est sûr que ça reste très, très léger pour ce que j'ai vu. Là. C'est des petits courts-métrages. Ouais. J'ai hâte de rentrer dans les longs-métrages. Ce que j'ai vu. Ouais, c'est 75-80$ sur Amazon, je pense. Peut-être plus. Là. Ouais. Moi, je l'ai payé sur Kino, j'ai payé plus cher encore, je pense. Mais c'est super rare, là. Ça vaut le prix, mais j'en connais pas qui l'aurait payé. C'est plus ça. non, exactement, c'est ça, là, tu sais... Mais j'en ai pour longtemps. Ça reste un coffret ça. Blu-ray. Mais je trouve que ça va être quelque chose de vraiment très important dans l'histoire du cinéma, ce truc-là. Puis j'espère qu'ils vont en faire d'autres, j'espère qu'ils vont découvrir d'autres films et qu'ils vont en restaurer d'autres parce que c'est vraiment important. Tu sais, c'est bien beau qu'on enseigne tout le temps Griffith puis Méliès et tout ça, mais il y a eu d'autres pionniers à cette époque-là, puis des pionnières en fait. Ouais. Puis c'est le fun qu'on leur redonne leur place. Ouais. Ils sortent beaucoup, beaucoup de vieux stock du cinéma muet. Fait que c'est vraiment cool. Puis leurs transferts sont toujours top-notch. Tu regardes leur édition de Nosferatu, puis c'est fou. Là. Mais il y a un gars qui travaille à la Library of Congress qui parle dans un documentaire, puis il dit, s'il n'y avait pas ce projet-là, cette demande-là, ces films-là, ils dorment dans nos archives. Ils disent, on les a même pas vus, on n'a même pas pensé à les restaurer, ils sont là, puis on en a tellement qu'on a pas, on peut pas toutes les faire. Ouais. Fait qu'il faut qu'il y ait ce genre de projet-là, où ouais. qu'on nous demande spécifiquement de trouver ces films-là pour qu'ils sortent. T'sais. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens qui aient l'idée de faire ce genre de coffret-là. T'sais. Gros travail de recherche en plus, parce qu'on s'entend, là, ces films-là n'ont même jamais été visionnés. C'est-à-dire que des écrits là-dessus, t'en trouveras pas 28. Là, non, non, c'est ça. Ça va être vraiment impactant. La réalisatrice même ne savait pas où était son film. Ben non. Ouais, elle les cherchait, ses films. Elle était des années 50, 60, elle était rendue dans les 80 ans, je ne sais pas trop, puis elle cherchait ses films. Et pourquoi tu ris encore? Fais-la, ta joke. Non, hein, non, ok, si j'envoyais en privé à Steven, Steven, je l'assume pas. Non, ouais, vraiment, non. Je l'assume pas. Je vous l'ai dit après le show. En tant que... Imaginez-la, elle est vraiment colonne, c'est tout. Mais j'ai passé beaucoup de bons moments avec ça. C'est sûr qu'il y a des, ouais, il y a quelques-uns qui m'ont emmerdé un peu, qui m'ont endormi, tu sais. Ouais. Mais c'est... Ouais, mais sur 50, c'est sûr. Ben là, c'est ça, j'ai pas vu les 50, j'ai vu une quinzaine, une vingtaine de elles, mais j'ai hâte de voir le reste. Puis comme je dis, il y a des longs-métrages, fait que j'ai hâte de voir. Il y a un long-métrage de Salomé, l'histoire de la femme qui avait dansé pour la tête de Jean-Baptiste. Et... c'est toutes sortes de trucs qui m'intéressent là-dedans, puis que j'ai vraiment très hâte de voir. Tu sais, je veux dire, je suis fan de Chaplin, là, j'ai son coffret de tous ses courts-métrages, mm-hmm. puis tu sais... J'en aime un sur cinq, là. T'sais, ça reste que il a fait ses ouais. classes là-dessus. Là. Ben, c'est pas tout excellent. Les courts-métrages, c'était souvent du travail à la chaîne. Là. C'était des trucs pour. Mon Dieu, man. C'est ça, c'était pour présenter. Puis il fallait que tu présentes de quoi, là. C'est ça. T'sais. Les films, les longs-métrages, de Chaplin étaient vraiment plus. Il y avait des messages, il y avait des trucs à passer. Il mais... ben, y avait du travail de montage, du travail d'idées, du scénario, puis ça. Mais. C'est cool. Rappelle le titre. Oui, c'est Pioneers. Pionnière, 2 points. First Women Filmmakers de Kino. C'est sorti cet automne, mais je pense qu'il y avait une version DVD qui était déjà sortie, même peut-être il y a quelques années, là, mais je pense c'est... que. Okay. C'est là, mais quand tu montres rapidement le coffret, là, j'avais l'impression de voir une femme avec une mop. J'étais comme ça, se peut pas que ça soit ça, genre la. Non, ouais, c'est une caméra, là, mais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. C'est possible. Ah non, c'est comme. C'est comme fait, c'est comme un drapeau. Ouais. Tu sais, là, les pionniers qui tiennent un gros drapeau pour aller planter, là, ben, c'est sa caméra, c'est son drapeau. C'est vrai. Ah non, mais c'est... moi aussi, je voyais une mop. Toutes les fois que tu nous avais envoyé des photos, mon premier réflexe, c'était de voir une mop. J'étais comme, c'est vraiment. C'est un brainwashé. Moi, j'ai pas vu de mop, mais moi, je pense pas la mop. Ok. Ah, ok. Tu payes le monde pour qu'elle passe. Ouais, c'est faux, hein. Puis Jeff, tu voulais nous jaser rapidement d'un autre petit truc? Oui, là, je change de sujet complètement. Oh. C'est quelque chose que j'ai reçu à Noël, que j'avais demandé à je pense que c'est ma sœur qui me l'a offert, ou ma mère. En tout cas, peu importe, je les avais demandé en même temps, dans une petite liste. C'est quelque chose que je voulais, ça a l'air niaiseux, là. Je vais vous le montrer, puis tout le monde va dire, mais pourquoi t'as voulu ça? Mais ça, moi, ça m'intéressait à fond, là. Puis c'est ça, le livre sur Patrick Bourgeois. Patrick Bourgeois raconté par... Patrick Bourgeois. Non, en fait, non, c'est ça qui est intéressant. Ben, l'auteur du livre, le gars qui derrière ce projet-là, c'est un journaliste de Québécois qui s'appelle Patrick Delisle-Crevier. C'est aux éditions de la semaine. C'est un gars qui travaille aux 7 jours. Mais c'est raconté par tout le monde. En fait, tout le monde. Du père à Patrick Bourgeois, à ses enfants, les membres du groupe, sauf François-Jean, en fait, parce qu'à cause de problèmes légaux, il peut pas... ils ont décidé de ne pas y demander, en fait, de pas participer. Mais tout le monde, c'est Geneviève Borne, Claude Rajotte, Gilda Roy, Antoine Graton, Kathleen Mitsou, tout le monde participe à ce livre-là. Son garde du corps, les soundmen, les producteurs, les promoteurs, tout le monde. Ah, cool. Puis ça fait un genre de biographie, parce que c'est fait en ordre chronologique quand même. On raconte sa vie, puis les souvenirs de tout le monde, puis tout le monde, tu sais, ça finit toujours avec, genre, la chanson préférée des bébés de chacun. En tout cas, puis moi, j'ai adoré. Je l'ai lu en 2 jours, en fait. C'est quelque chose comme 150 pages, là, mais dans le temps des fêtes, je l'ai dévoré, ce livre-là. Mais ça me touche, tu sais. Je veux dire, il est mort, il avait le même âge que mon père quand mon père est décédé, mais c'est pas du tout la même raison, mais ça m'a juste... C'est un détail, là, ça m'a juste... C'est parce que Patrick Bourgeois, c'est un gars qui je sais pas, qui a marqué ma génération, qu'on regardait, puis que c'était comme... Je sais pas, c'était, ça m'a marqué quand, en fait, j'ai appris son décès durant un épisode d'Horror Gamer. Et puis, c'est enregistré quelque part. Puis, j'ai vraiment fait. Je suis resté bête en esti. Puis, on venait juste de parler peut-être un an avant de leur chanson dans le film Game of Death. Puis, c'était comme. C'est cool qu'ils ont décidé d'accepter de mettre que leur chanson soit mise dans le film, dans une scène avec un gros massacre et tout ça. Puis. Mais c'est ça, tu sais, je trouvais qu'il était vraiment trop jeune pour mourir, puis ben le livre, il y a deux témoignages qui m'ont mis les larmes à l'œil, tu sais. J'ai fini le livre, puis je me suis essuyé les yeux, je suis allé voir ma blonde, je dis non, je pleure pas, puis, non, c'est super le fun, super le fun, puis touchant, puis c'est un bon aussi, une bonne fenêtre sur le star system, puis le show business à cette époque-là. À la fin des années 80, début 90, comment ça fonctionnait, puis tu sais, c'est ça, toutes ses ambitions, toute sa vie avant les bébés, pendant les bébés, après les bébés, puis on passe toutes les étapes, tu sais, de la gloire, après ça, le quiz facile à chanter, ça, il a fait une dépression, les albums retour, etc., les dernières tournées. Has been it. Oh, oui, tout, on parle de tout, tout passe là-dedans. Cool. Et c'est ça. Moi, je trouve que ça vaut la peine si vous vous intéressez au personnage. Nice. Ouais. Steven? Yes? De qu'est-ce que t'as écouté? Écoute, là, j'ai envie de parler de quoi? De le fun et d'énergique parce que j'ai pas mal trop de films qui sont moyens. Fait que je vais avec un que j'ai écouté tout frais, tout chaud aujourd'hui. C'est un cadeau Noël que j'avais reçu. Ça s'appelle Lady Terminator. Ouais. Et déjà, le titre, c'est glorieux, mais c'est distribué par Mondo Macabro. Pour ceux qui ne connaissent pas Mondo Macabro, c'est une excellente compagnie qui sort des petits bijoux d'ailleurs, que ce soit des films mexicains, des films indonésiens, dont celui-là qui est indonésien. Ils vont vraiment chercher des petites pépites. Ils ramènent ça sur DVD avec un transfert vraiment fabuleux. Puis parfois, tu as vraiment des excellents films où tu as vraiment des so bad it's good qui sont vraiment des vraies merveilles. Là. Et pour ceux qui sont en manque de so bad it's good, parce que il n'y a pas juste de room hein, dans la vie, les amis, il y a bien plus que ça. Papa est un lutin. Moi, je ne l'ai pas encore vu, ça. Mais Lady Terminator en fait partie. C'est un film indonésien de 1988. Comment résumer ça simplement comme histoire? C'est une déesse de la mer du Sud qui passe son temps à coucher avec des hommes, qui n'est jamais rassasiée sexuellement. Et lorsqu'elle n'est pas rassasiée sexuellement, le serpent qu'elle a entre les jambes bouffe l'entrejambe masculin, si je peux dire. Wow! Une bonne shot, elle va tomber sur un fameux guerrier qui va se battre contre elle et littéralement la tuer. Et elle lui promet de revenir dans plusieurs siècles, se venger contre l'humanité tout court. Là, elle semble viser lui, mais finalement, elle vise personne en particulier, juste les êtres humains. Et le film se déroule ensuite plusieurs années plus tard. On va suivre une anthropologue. Une anthropologue qui veut aller faire de la plongée sous-marine pour aller faire des trouvailles sur des cités sous l'eau. Et malheureusement, elle va tomber sur l'endroit où vivait la déesse. Et la déesse va prendre possession du corps de cette demoiselle et va s'en suivre un carnage à Jakarta, une ville en Indonésie, où elle va mitrailler tout ce qui bouge ou baiser à mort tout ce qui bouge. Mitrailler wow. ou baiser à mort. Ouais, okay, ouais, c'est écoute, ce film-là, c'est un mix entre H.P. Lovecraft, indonésien ouais. sexuel, Terminator de James Cameron, puis Ninja 3. Ninja 3, ça, il y a juste Jeff, je pense, qui l'a vu parmi nous, qui sait un peu dans quel genre de So Bad It's Good ça se dirige, mais c'est vraiment un rip-off de Terminator, ce film-là. La fille, un coup que... un rip-off de Terminator, il n'y a rien dans ce que tu dis qui fait penser à Terminator. Mais non, le synopsis, ça va... le synopsis, ça va complètement ailleurs. Mais un coup que la fille est revenue, elle a son blouson de cuir avec sa M-size, et je vous jure, à partir de la moitié du film, on reprend les cinq clés du premier Terminator. Elle va poursuivre puis poursuivre constamment un couple en particulier dans une discothèque, puis la scène à la discothèque, c'est la même chose que dans Terminator. Il va y avoir une poursuite en voiture. La fameuse scène de mitraillage dans le poste de police de Terminator, vous l'avez ici aussi, puis elle agit comme Arnold dans Terminator. fait c'est... comme pendant de chance. Elle est là. Mais c'est juste... C'est du gros fun en bord. C'est de l'action non-stop. C'est du mauvais acting avec des dialogues qui font aucun sens. Les policiers là-dedans qui enquêtent sur les meurtres sont hilarants tellement que ça n'a aucun sens. Ils vont aller à la morgue. Puis pendant que trois hommes avec une tache de rouge entre les deux jambes, c'est la couverture, ils vont commencer à parler d'hot dog. Puis à quel point ils aiment les hot dogs. C'est hilarant. C'est vraiment hilarant. Mais un coup que l'action décolle, ça n'arrête pas. C'est du gros fun, des effets cheesy, dignes des années 80. Et la confrontation finale dans un aéroport vaut son pesant de cacahuètes. C'est intense. Wow. C'est vraiment épique. Vraiment, en termes de So Bad It's Good, j'ai vraiment, vraiment eu du fun. Ça dure 1h20. Ça passe super vite. Puis je pense que c'est vraiment un des rip-offs les plus fun que j'ai vu de Terminator. Fait que, écoute, je le conseille fortement. C'est pas facilement trouvable dans le sens que vous n'avez pas le choix d'acheter le DVD de Mondo. Je pense pas qu'à part de ça, on puisse trouver ça sur iTunes, tout ça. Moi, je l'ai eu pour Noël, le DVD. Le DVD est comme 16$ sur Amazon. En tout cas, c'est le prix que j'ai que coûté. Puis, vous êtes fan de So Bad It's Good, allez-y. Les yeux fermés, vous n'allez pas être déçu. Vous allez avoir vraiment du fun si vous savez en gros dans quoi vous embarquez. Si mon synopsis ne vous a pas convaincu, rendu là, ben, laissez faire. Mais je veux dire, c'est du bon voir. Si tu pas quoi t'entendre avec le synopsis à Steven, là, arrête ça là. Oh, God, wow. Là, tu me dis que ça, c'est un cadeau? Oui, le cadeau de Noël. Que t'avais demandé. Ben oui, qui c'est qui aurait pensé à m'offrir ça? Mais tu sais, c'est ça, moi, qui me fait capoter. C'est que tu l'as demandé. C'est que, tu sais, moi, tu m'apprends l'existence de ce film-là à soir. Là. Mais toi, tu l'as su. Tu as su que ça sortait. Tu as été assez intéressé. Tu l'as ajouté dans ta liste de cadeaux. Tu sais, il y a comme un processus que tu avais fait avant que moi-même, j'apprenne que ça existe. T'sais. Non, mais il y a quand même un petit. Faut qu'un peu, je veux pas dire si ça existe, si je sais pas que ça existe. c'est non, c'est mais c'est. Ce film-là se traîne pareil, une petite réputation de film culte un peu à la The Room. Là. C'est juste que Mondo, justement, leurs films sont pas tant connus auprès des fanatiques d'horreur ou peu importe. Là. Fait que ça vaut la peine d'aller fouiller un peu leur catalogue. Là. Ils ont vraiment des titres intéressants. Puis leurs films sont quand même pas mal abordables. Fait que ça vaut vraiment le coup. OK. Mais je suis curieux de savoir la proportion de films de la collection Steven entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Il les collectionne, mais il en collectionne plein qui n'aiment pas ou qui aiment moins. J'ai commencé à faire un ménage d'enlever vraiment ceux-là là, je me fous royalement. Puis j'ai crissé ça dans une boîte. Puis de temps en temps, quand j'ai des amis qui viennent à la maison, je fais « Hey, t'en veux-tu? J'y donne. » J'y donne. Pis... Est-ce que le roi scorpion s'est retrouvé dans cette boîte? Hey! On va commencer par l'écouter, puis on verra après. Okay. Fait que si Steven vous donne un film en cadeau, c'est parce qu'il s'en calisse complètement. C'est ça, oui. Jeff, toi, as-tu écouté ton film? Non. Non, pas encore. Non. Vicky, t'as-tu écouté? Non, j'ai commencé avec la saison d'American Horror Story. Ah, c'est sûr. Okay, oh, c'est yeah! Cool. Vicky, justement, vas-y donc. Toi aussi, t'avais quelque chose à nous dire. Oui, mais ce sera pas American Horror Story, ça. Je vais réserver ça pour autre chose. Mais j'ai envie de vous parler de Bird Box, le fameux film Bird Box, le phénomène Netflix. Ça se peut-tu qu'il y a eu des publicités pour ce film-là? C'est comme j'avais vu des pubs, ou en tout cas des images ou quelque chose. Des pubs internet, non, des sites qui en parlaient. Ouais, il y a eu des un hype. Là. Avant le film, OK. Parce que je pensais que ça avait été sorti en salle, puis après, puis là, j'apprends que c'est un Netflix special, un Netflix original, je ne savais pas. Il y a juste Roma qui a eu une sortie en salle de Netflix. Il y a juste Roma qui a eu la chance d'avoir une sortie en salle de Netflix. Ouais, non, je pensais que c'était un film comme Ocean 8, là, tu sais, un film qui est au cinéma, puis qui est arrivé sur Netflix après. Finalement, non, c'était vraiment un Netflix special. Et j'ai vu que les commentaires sont assez négatifs sur Internet. Mais autour de moi, c'est très positif. Tous les gens qui l'ont vu vont dire l'avoir adoré. Et j'en fais partie. Je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé Bird Box. Hey, puis là, on fait du Sandra Bullock hein, ce soir, vous avez remarqué. Ocean 8. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai hein? Spy un petit peu. Puis là, ben, Bird Box. T'as-tu vu un peu l'espèce de challenge stupide qui en découle de ce film-là, les gens qui font le Bird Box challenge? Ça fait aucun fucking sens. Là. C'est totalement stupide parce que dans le film, tu vois que ça y a pris des années avant d'être capable de sortir dehors et être à l'aise, tu comprends? Fait que c'est totalement stupide comme challenge parce que c'est pas genre je vais dehors puis je suis capable, là. Tu sais, quand ça arrive, personne n'est capable. Comme n'importe qui vire aveugle n'est pas capable d'être autonome tout de suite. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est, tu sais, la fille est vraiment pas autonome comme sur l'affiche dès les premières minutes du film, là. Oubliez ça. Fait que c'est ça. Fait que Bird Box, c'est l'histoire d'une femme. Je vais pas y aller chronologique, je vais y aller parce que chronologique peut vous révéler quelques détails de l'histoire, puis je vais vraiment être spoiler free. Moi, j'ai adoré tous les mystères de ce film-là, et il y en a plus qu'un. Ceux qui l'ont vu vont comprendre. J'ai adoré vraiment l'ambiance du film. J'ai pas vu A Quiet Place. J'ai vu beaucoup de post-apo dans ma vie, par exemple, puis ce film-là se classe vraiment dans ma catégorie de bons à post-apo que je réécouterai certainement. Tu sais, dans 4, 5, 6 ans, je vais l'avoir oublié, je vais en garder un bon souvenir, je vais vouloir le réécouter. Le film est très réaliste, je trouve, dans sa facture, dans ses personnages, dans son traitement des relations humaines. Je le trouve très réaliste, très intéressant. Et aussi, j'aime sa chronologie. Tu sais, on part pas le film où ce qu'on part la bande-annonce. C'est ce que vous connaissez du film, mais pas le début du film. Fait que moi, ça m'a un petit peu déstabilisé. Fait que j'ai fait « Ah, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne de ça. » Fait que j'ai bien apprécié le début et la fin du film et tous les petits mystères. Et les commentaires négatifs que je vois sur les sites de grandes nouvelles, là, la presse, le Devoir, Narcissity, ces choses-là, c'est souvent des gens qui sont comme « Ouais, mais là, on sait pas à la fin c'est quoi les créatures. » Mais ouais, j'ai entendu dire ça plusieurs fois. Là, je trouvais que c'était pas important. Tu sais, je veux dire... Non, pour vrai, c'était pas important. C'est vraiment... Je vois pas un film de créature où j'ai besoin... Tu sais, Cloverfield, on a-tu vraiment besoin de savoir le détail près? Non, mais je vais te donner un exemple. On la voit en masse. Je vais te donner un bon exemple. Tu sais, A Quiet Place, là... J'ai pas vu. Les créatures, on finissait par les voir bien comme il faut, puis ça finissait par gâcher le film, justement. Ouais, mais oui, Steven, on les voit en masse, mettons, dans Cloverfield, mais moi, j'ai l'impression que ces créatures-là sont pas visibles. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens où, quand tu les vois, c'est fini. Fait comment tu veux que nous, en tant que spectateurs, on les voit? Je comprends pas ce que tu viens de dire, là. Parce qu'on les voit pas juste à la fin dans Cloverfield. Non, je te parle pas de Cloverfield, je te parle de Bird Box. Ok, okay, je pensais que tu parlais de Cloverfield, c'est des extraterrestres, créatures d'une autre dimension, là, tu sais, ça joue un peu là-dessus. Puis, dans ben, tu sais, mettons, ben, Brume, on les voit à la fin, parce que ça fonctionne qu'on les voit à la fin. Bird Box, c'est pas nécessaire. Pour moi, c'est pas nécessaire qu'on les voit, c'est ça que je veux dire. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on était supposé les voir, mais ils ont trouvé des créatures tellement laides qu'ils ont décidé de pas le faire. Puis tu vois des photos circuler, puis ça. Ouais, j'ai vu les photos, c'était pas super. C'est pas super. C'est ça, puis c'est parfait qu'on les voit pas. Sincèrement, c'est parfait qu'on les voit pas. Moi, j'ai pas l'impression que c'est nécessaire. Parce que c'est pas un spoiler si je dis qu'il y a du monde qui meurt. Fait qu'il y a du monde qui meurt. Puis pour moi, c'est clair. Vous comprenez? La manière qu'il meurt, pour moi, c'est clair qu'à partir du moment où tu vois la créature, tu meurs. Point. Il n'y a pas d'autres questions à avoir. Fait que j'ai pas besoin de la voir moi. Parce que si je la vois moi, ça me porte en regard extérieur au film. Ça m'empêche d'être dans le film. Je vais essayer d'être plus clair. Je vais le repasser, là. C'est un danger de les voir. Fait que si tout est voix, ça te sort vraiment de la... Que moi, je suis pas en danger. Ouais, je comprends. Fait que c'est pour ça. Fait que moi, j'étais bien contente de pas les voir. Peut-être les créatures étaient laides, ça avait pas la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le film, ça fait de l'efficace parce que moi, je me sens dans le film, je me sens prise au piège dans le film. Si tu me les montres, c'est comme si moi, ils pouvaient pas m'attaquer. Puis je veux pas ça. Fait que dans un film immersif, moi, je veux avoir la même peur que les personnages. Puis moi, ça a fonctionné. J'ai trouvé vraiment tous les détails intéressants, puis qu'on a joué parfaitement sur la chronologie pour que tu te poses plein de questions tout le long du film. Fait que j'ai trouvé qu'on était alerte tout le long du film. Tout le long du film, tu fais « OK, lui est où? Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? » Peux-tu nous résumer le synopsis? Parce que ça reste qu'il y a peut-être du monde qui ne savent pas en tout de quoi on parle. Bird Box, en fait, c'est vraiment Sandra Bullock qui est avec deux enfants. Si on y va vraiment selon le synopsis de la bande-annonce, OK? C'est Sandra Bullock qui est avec deux enfants puis qui essaye d'aller dans un endroit sécuritaire avec ces deux enfants-là. Mm-hmm. Et il y a des créatures, on est dans un monde post-apocalyptique, et il y a des créatures dehors qui peuvent t'attaquer, mais que si tu les vois, on sait pas l'effet que ça te fait, mais ça te donne envie de te tuer. Et tu te tues. Si tu vas tout faire pour te tuer si tu vois ces créatures-là. Mais tu ne connais pas l'origine de la créature, tu ne sais pas comment ça sont arrivés, tu ne sais pas par où ils sont arrivés. Puis, tu sais pas pourquoi ils peuvent pas attaquer, mettons, dans les maisons. Pourquoi ils sont pas capables de rentrer dans les maisons? Ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas... C'est quoi? On le sait pas. Mais si tu les vois, ils peuvent t'attaquer. OK. OK. Ben, tu vois, je comprends le film a souffert, puis je pas vu, fait que je peux pas te dire, là, mais... Puis, c'est vraiment mauvais comme comparaison, là, parce que le monde disait que c'était The Happening de M. Night Shyamalan, là. Oui, il y a beaucoup qui ont fait ça. Oui, j'ai vu le... Je l'ai vu, cette critique-là, puis moi encore... OK, je vais y aller. Je pense pas que c'est un spoiler, parce que c'est mon interprétation qui est hyper personnelle. J'ai rien lu. C'est une interprétation personnelle. Moi, j'avais le feeling que ces créatures-là étaient pas dans la même dimension que nous. Puis que quand tu les voyais, ils t'entraînaient dans leur dimension. C'est pas... Fait. C'était mon feeling. OK. Mais j'ai rien pour appuyer ce feeling-là. C'est vraiment comment moi je l'ai senti. Puis c'est pour ça que je m'étais dit, ils peuvent pas ouvrir les portes des voitures, ils sont pas dans la même dimension où se trouve cette voiture. Ils peuvent pas interagir avec des objets. Oui, parce qu'ils sont pas dans cette dimension-là. Ils sont pas dans notre dimension. Fait qu'ils peuvent pas directement nous attaquer. Mais si on les voit, c'est le lien. Nos yeux seraient le lien vers cette autre dimension-là. C'est comme je dis, c'est vraiment juste un feeling personnel. Tu vois, si tu avais vu les créatures, ce feeling-là aurait peut-être été scrappé. Et voilà! Parce que si je vois les créatures, ça voudrait dire que moi aussi, j'avais envie de m'aller me tuer. Ouais. Plus tes voix, tu fais comme, pourquoi est-ce que le monde a le goût de se tuer en voyant ça? Mais oui, c'est un piège, là. Tu sais, t'as tout pas monté. Le film des gars dans la forêt, là, puis il y a une créature en Ritual. Moi, The Ritual. Mais le fait qu'on voit la créature, ça peut t'apporter plein d'affaires, mais ça t'enlève beaucoup de questions. C'est plein. Oui. C'est là. C'est cette créature-là qui fait ça. Tu sais, t'as la réponse plein dans ta face. T'as plus possibilité d'imaginer. Là, moi, j'ai aimé ça avec Bird Box parce que j'avais la possibilité de tout imaginer. Ce que c'était, pourquoi c'était là, où est-ce qu'on en était. J'avais toute une panoplie de raisons dans ma tête. Fait que moi, j'aimais mieux ça comme ça. Cool, ben écoute, ça fait du bien d'entendre quelqu'un dire qu'il apprécie ce film-là, parce que vraiment, là, même sur le chat, c'est Jesse Anctil est en train de démolir le film. Fait que tu es une des seules personnes qui en parle positivement depuis un méchant bout de temps. Moi, je pense que le film vaut la peine d'être vu pour se faire sa propre idée. Sincèrement, de toute façon, c'est Netflix en plus, là. Je disais. C'est pas comme s'il fallait que tu payes pour whatever. Tu sais, combien de fois est-ce qu'on tombe sur un film sur Netflix et on fait comme « Oh, j'aurais pas dû écouter ça, tu sais. » Puis l'autre intérêt que je pense, nous, en tant que fans d'horreur, c'est un film qui s'écoute bien avec nos conjoints moins fans d'horreur. Ah, je comprends. Et si vous avez quelqu'un sur le chat là, qui ne nous écoutait pas parce qu'il n'aimait pas les films d'horreur, il peut apprécier ce film-là. Puis si vous avez des gens, tu sais, que tu as envie d'écouter avec ta blonde ou ton chum, puis... Tu le sais que cette personne-là apprécie pas nécessairement les films d'horreur, mais ça en est un très bien à écouter avec. Ouais. C'est vrai. Souvent, ça en prend des petits films de même. Là, qui... C'est ça. Bon, Steven, lui, écoute, sa blonde est aussi en fan que lui. Là, ouais, c'est ça. Moi, je suis correct. Puis il fait écouter Lady Terminator. Là, c'est ça, mais pas moi. Toi, un peu. Ben, je pense que nos. Jeff, non plus. Non plus. Ouais, moi, je pense que nos conjoints se rapprochent, là, Seb, dans le sens où. Il aime écouter des films, il aime écouter ce qu'on écoute, mais si on dit on écoute un film d'horreur, ils vont faire « Oh non, je te laisse l'écouter tout seul. » Mais s'il rentre dans la pièce, puis il a l'air intéressant, il s'assied puis il écoute. Ben moi, c'est pas compliqué, je le dis à ma blonde en avance. Je dis « Non, celui-là, écoute-le pas pour rien, ça vaudra pas la peine. » Puis des fois, je dis « Lui, j'aimerais ça que tu t'installes, puis au moins que tu le commences. » Pareil. Puis je le sais tout le temps, je sais lesquels que je vois. Même, c'est déjà arrivé qu'après 20 minutes d'un film, je sais pas si c'était lesquels, mais je me souviens qu'après 20 minutes, j'avais arrêté le film, j'étais allé voir, j'ai fait comme, viens-t'en, on recommence le film. Je me souviens, on avait parlé dans ta critique, mais tu sais, comme mon chum, juste donner un exemple, il avait jamais vu Starship Troopers, il est passé à Cinépop il y a deux, trois jours, puis je l'ai commencé, il était comme, il comprenait pas, puis j'ai fait, non, le film, il est con, genre. Le film, il est con, prends-le pour ce que c'est, puis finalement, il a vraiment trippé. Fait que, tu sais, c'est le genre de personne qui va écouter un film et, tu sais, il va écouter de tout, là, mais c'est ça. Fait que je pense que ce film-là, comme Bird Box, c'est genre, tu vas avoir un suspense, écoute-le pour ce que c'est. Ouais. Non, c'est vrai, écoute, c'est la bonne recommandation, je pense. Excellent. Ben, moi, je vais y aller avec quelque chose de vraiment léger et je vais vous probablement vous faire découvrir quelque chose parce que je pense pas qu'il y a grand monde qui connaît ça. Je vais vous faire découvrir la série Nathan For You. Une série diffusée sur Comedy Central. Le gars, okay, Nathan Fielder. Je vous présente Nathan Fielder. C'est la pire pochette au monde. Il n'y a pas de l'air sûr, mais Nathan Fielder est un gars qui a étudié en marketing, puis qu'il n'a pas eu des très, très bonnes notes, puis il est devenu auteur comique et parfois acteur. Quand on regarde son IMDb, tu sais, il était acteur dans un paquet d'affaires, mais il a beaucoup travaillé avec David Letterman. Il a été avec Jimmy Kimmel, Seth Meyers, sur Conan. Fait que, tu sais, c'est un gars qui est beaucoup... avec les bigs. Mais tu sais, c'est pas lui la vedette. Il a commencé à être la vedette quand il avait fait sa série Nathan For You en 2013. Le concept de la série est vraiment simple, OK? Ce n'est pas de la fiction. Nathan Fielder va voir des entreprises. Ça, c'est Vicky, c'est pour toi. Non, pas nécessairement. Il va voir des entreprises qui sont dans le trouble et il va trouver des moyens de répondre à leurs besoins. Et je dis bien de répondre à leurs besoins. Pas de les faire réussir. C'est le plus gros extraterrestre que vous ne pouvez pas trouver en télévision dans les dernières années. C'est pour ça que quand j'ai posté ça sur Facebook et sur Instagram, j'ai demandé c'est quoi la série la plus weird que vous avez vue de votre vie? Parce que là, oui, là, JF, toi, t'avais dit, Twin Peaks. Puis là, j'étais comme, oui, OK, oui, Twin Peaks, on est ailleurs. Mais là, c'est de la non-fiction. Et c'est d'une étrangeté incroyable. Je vais essayer de vous résumer de pourquoi que c'est drôle. Parce que ma blonde était à côté de moi et elle était comme, je ne catch pas. Je ne catch pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne catch pas. Premier épisode, un marchand de crème glacée yogourt glacé le fait venir Nathan pour lui dire « Il n'y a plus personne dans mon magasin. Mon magasin n'attire personne. » Fait qu'il dit « Ben, ça te prendrait quelque chose qui fait parler de ton magasin. Tu sais, une saveur vraiment spéciale qui attirerait le monde. » Il fait « OK, qu'est-ce que tu aurais pensé? » Saveur de marde. Puis il fait comme « What? » Il dit « Oui. » Si tu offrais un yogourt à la saveur de marde, c'est sûr que tu ferais parler de toi. Lui, il est comme. Là, oubliez pas, c'est pas de la fiction. Le gars, il est comme, ben voyons donc. Mais Nathan Fielder a un genre de charisme et une façon de livrer. J'ai fait des recherches, je me disais, ce gars-là a peut-être un genre d'autisme léger, quoi que ce soit, mais il n'y a pas d'émotion dans son regard. Tu sais, tu sais, à mon travail, il y a quelqu'un qui est Asperger, tu sais. Puis, je retrouvais un peu ce genre de regard-là dans Nathan Fielder, mais il n'en parle pas, en tout cas. Fait que je ne sais pas si c'est juste un personnage, mais ce gars-là n'a pas d'émotion. Tu sais, puis il a de l'air, il joue l'extraterrestre. Il joue celui qui ne comprend pas tous les codes sociaux, tu sais. Puis qui prend toujours la demande au premier degré. Fait que ça va vraiment dans une compagnie qui crée des saveurs artificielles. Puis, il demande, pouvez-vous me créer une saveur de marde pour un yogourt? Puis là, il fait « OK ». Fait qu'il crée une saveur de marde, puis le monde font comme... Il fait tester à des gens, puis ils font comme... Il dit « Ça goûte quoi? » Puis ils sont comme « C'est pas... » Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait comme « Je vais dire, ça goûte la marde. » Puis il est comme « Est-ce que vous avez déjà goûté de la marde? » Il fait comme « Non, non! » OK, mais vous pensez que ça goûte la marde? Oui, mais vous savez pas que c'est quoi que ça goûte la marde. Non, non. Mais il dit, c'est pas grave, vous pouvez me le dire. Non, j'ai jamais mangé de marde. Là, il est comme voyons donc. Fait que là, il s'en va proposer sa saveur de marde au gars. Et le gars la propose. Et évidemment, ça en fait parler. Et ça remplit son magasin parce que tout le monde veut goûter à de la saveur de marde. Tout le monde est intrigué. Mais le lendemain, le gars enlève sa saveur puis fait comme, OK, non, c'est fini, je ne sers plus, là, ça va de mal. Bah, tu dis Arc, Vicky, mais c'est comme les bonbons à saveur, le crotte de nez, ça va essayer. Tout le monde la jette, oui, pratiquement, puis tout le monde l'essaye. Fait que, c'est parce un que peu moi, ça me fait juste penser à Solo, les 120 jours de dents. Ouais. Quand il sourit avec du caca à ses dents. Dans la tête. Et ça, c'est un exemple. Là, je vous ai nommé un exemple scatophile un peu. Il y a un autre épisode qui est dédié à un resto qui a de la misère à faire venir du monde parce qu'il cherche une façon de faire parler de lui. Il dit, ben écoute, une façon de faire parler de toi, ça serait de passer dans les journaux ou à la télévision. Il dit, ben la dernière fois qu'on a passé à la TV, il monte dans les journaux, il monte un vieil article, c'est v'là 10 ans. Il dit, ben écoute, une des façons de faire parler, c'est quand une vedette vient donner beaucoup de tips à un de tes serveurs. Fait qu'il faudrait qu'une vedette vienne donner du tip à un serveur. Il fait, ben là, on va trouver une vedette. Non, ça serait un peu compliqué de trouver une vedette. Mais il dit, si on trouve quelqu'un qui ressemble à une vedette, qu'on lui donne l'argent pour tipper un serveur 10 000 $ la vedette n'ira jamais nier que c'est pas elle. Parce que la vedette va faire comme, OK, oui, c'est moi, j'ai typé 10 000 $ tu sais. La vedette ne voudra pas avoir l'air d'un cheap. C'est con. Fait que là, il passe des auditions dans le quartier de gens qui imitent des vedettes. Et finalement, c'est Michael Richard, celui qui joue Kramer dans Seinfeld. C'est un gars qui imite Michael Richard. Là, il fait, ouais, mais là, faut que le gars paye avec sa carte de crédit pour donner un type de 10 000 $ Il ne peut pas juste donner 10 000 $ de la main. Fait que là, le nom de la personne va apparaître sur la facture. Fait qu'il dit, ça faut utiliser quelqu'un qui a une carte de crédit qui s'appelle Michael Richard. Fait que là, il appelle le monde qui s'appelle Michael Richard dans le coin en leur disant, pouvez-vous nous prêter votre carte de crédit? Le monde sera comme, non. Fait qu'il trouve un gars qui est willing de changer son nom légalement pour Michael Richard. Il lui donne 10 000 $ pour qu'il leur prête sa carte de crédit pour que le gars ait donné du tip. Mais pendant qu'il fait tout ça, Mané, le gars l'appelle et dit, « Hey, il faudrait que je te dise, j'ai déjà été condamné pour vol avec intimidation. » Il dit, « Là, je commence à capoter un peu parce que tu vas me donner 10 000 $ Il dit, « J'ai peur d'être tenté de te le voler. » Puis là, t'es comme, « Ben voyons donc! » Fait que là, il se menotte au gars pour passer une journée avec, pour être sûr que le gars, il n'ira pas retirer 10 000 $ Mais tu sais, c'est comme, t'es comme, ben voyons donc, mais que c'est ça? Ce n'est que ça. Je vous ai raconté un épisode et demi. Mais je ris à gorge déployée. C'est situation loufoque par situation loufoque. Tu n'arrêtes pas. Tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans cette série-là. Tu ne peux pas prévoir ces plans loufoques. C'est débile. C'est débile, débile, débile. Un moment donné, il veut juste prouver qu'il est capable d'empêcher un... Il dit, est-ce que je serais capable d'empêcher un criminel, un futur criminel, de devenir criminel? Fait qu'il dit, je vais essayer de cibler un futur criminel. Fait qu'il place des posters de lui avec des poses un peu... que c'est facile de dessiner un pénis. Genre, lui, avec la bouche ouverte, devant un gars debout. Ah ben... lui, avec deux gars debout à côté de lui, il est à genoux, puis il a ses deux mains chaque côté de sa face. C'était comme, voyons donc, c'est tellement facile d'aller dessiner deux pénis. Fait que là, il en met partout dans la ville, puis là, il check laquelle qui attire le plus les pénis. Puis, il en affiche une à côté d'une école secondaire avec un crayon à feutre à côté. Puis là, il attend. Il attend de voir un gars qui va dessiner un pénis. Puis là, il pogne. Puis là, il dit, il faut que je pogne ce gars-là, puis on va aller voir ses parents. Mais là, il dit, ben là, le gars, il ne m'amènera jamais chez ses parents. Fait qu'il simule un faux show de télé, où ce que c'est genre Teen Street. Puis il fait, hey, toi, t'as l'air cool. Tu veux-tu être dans notre show de télé Teen Street? Fait que là, il tourne un faux show de télé avec le gars. Puis il dit, hey, tu voudrais-tu nous présenter tes parents? Ah, hey, venez vous présenter chez nous. Puis là, rendu chez eux, là, il fait comme, hey, ça, c'est le poster, ton flow, il a dessiné un pénis dessus. Il casse tout le show. Mais là, sa mère part à rire. Ben oui, ben oui! Fait que là, il est comme... ouais, vous trouvez ça drôle? Tu sais, t'es tout le temps comme, Chris, quel genre d'énergumène c'est ça? J'ai pas encore tout fini. Mais le coffret complet attendez, c'est 4 saisons. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 DVD de 4, 5 épisodes chacun. c'est même pas 40$. Et après 2-3 DVD, j'en ai eu pour mon 40$ de rire d'être obligé de poser suppose, d'enlever mes lunettes, de m'essuyer les yeux parce que je suis plus capable. Parce que c'est d'un ridicule et d'un. Tout le temps que tu startes un épisode, puis là tu fais comme God, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est débile. S'il vous plaît, écoutez ça. Allez voir, il y a des vidéos YouTube qui teasent un peu, tu sais, genre les 10 meilleurs épisodes de Nathan For You. Allez juste jeter un coup d'œil là-dessus. Moi, c'est ce que j'avais déjà vu avant. Fait quand on nous a proposé par Comedy Central, c'est Paramount qui nous l'avait proposé. J'ai dit oui, s'il vous plaît, genre, je veux écouter ça. Et il paraîtrait que le dernier épisode, j'ai pas encore vu, mais il paraîtrait que le dernier épisode qui s'appelle Finding Francis est épique à souhait, que c'est carrément un long métrage d'une heure et demie. Ça a l'air que c'est vraiment débile. C'est fou que la télé soit encore capable d'aller là. Ouais, ben écoute, il y a vraiment des trucs là-dedans parce que moi et ma blonde, on disait c'est une expérience sociale. Parce que tu sais, d'aller dire à quelqu'un t'es-tu game de faire une sorte de yogourt à saveur de marde, puis que l'autre accepte. Tu sais, on dirait qu'il teste les gens tout le temps. Oui, on n'arrête pas de dire que la télé chicken, la télé a le peur, la télé prend plus de risques, à part dans ces séries dramatiques. Là, je trouve que c'est une télé qui prend des risques. Il s'attaque à Uber avec des taxis, il fait des faux vidéos de genre de ceux-là avec les masques là, qui sont des pirates. Là, Anonymous. Genre des vidéos d'Anonymous pour menacer Uber. Mais il se rend compte pendant qu'il fait ça que shit, si je me fais pogner à faire des menaces à Uber, il pourrait me déporter parce que lui, c'est un Canadien puis il est aux États-Unis. Il pourrait me retourner au Canada. Je pourrais plus faire mon show. Fait qu'il décide de marier le gars qui est en train d'aider. Le gars, c'est un chauffeur de taxi hispanique. Mais il fait un mariage en japonais pour que le gars qui est hispanique ne comprenne rien. Et il l'amène dans un... Il dit, viens, je vais t'amener dans un resto. Je suis en train de vous raconter, mais c'est débile. Il l'amène dans un resto coréen. Il dit, tu vois, c'est vraiment authentique. Ici, le gars, il va te parler en coréen, mais tu auras juste à lire là, sur le menu, là, c'est écrit tel quel. Là. Fait que le gars, il parle en coréen, mais le gars, le coréen, c'est un prêtre qui est en train de les marier. Puis là, il parle. Puis là, les deux sont là, puis il écoute. Puis là, à un moment donné, il y a une pause. Fait que là, t'as Nathan qui dit, je pense qu'il veut savoir qu'est-ce que tu vas commander. Et ils ont changé de menu pour que la seule chose qui a de l'air intéressante sur le menu s'appelle I do. Fait que là, il fait I do. Puis là, il repose la question à l'autre, puis I do. Et ils sont mariés légalement. Mais c'est ça, c'est jusqu'à quel point c'est comme, que c'est fake? Je sais pas. Après ça, ils s'en vont voir un avocat de divorce pour lui dire, OK, comment je pourrais faire annuler mon mariage? J'ai faké, là. C'est pas un vrai mariage. Le gars, il sait même pas. L'avocat de divorce fait comme, ouais, rendu là, c'est quasiment de la fraude, ton affaire. Là. Fait que, oui, on peut annuler ce mariage-là sans problème. C'est débile. C'est pas faké, c'est pas tous des acteurs, on sait pas. Ben, écoute, j'ai cherché, il y a rien. Il y a rien qui dit que c'est des acteurs. Mais honnêtement, les personnes ont l'air tellement authentiques. Puis, je veux pas les diminuer, mais il y en a certains là-dedans qui ont l'air très simples d'esprit et facilement impressionnables. OK. Il y a des caméras de télé, puis tu sais, tout ça. Là, mais sérieusement, il y a du bijou de télévision là-dedans. C'est malade. Ça m'a fait rire, c'est tout. Faites juste aller jeter un coup d'œil, puis c'est sûr et certain que vous allez vous dire, OK, il faut que j'en écoute plus. Surtout si vous aimez ce qui sort de l'ordinaire. Excusez, il fallait que je vous vende. C'est un coup de cœur que j'ai eu assez incroyable. J'ai juste hâte qu'on termine l'épisode pour aller en écouter d'autres. Merci tout le monde. Ciao. Hey, bye. Non, ben ok, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Steven, Jeff, toi, t'avais fini. Ouais, ben je vais juste mentionner ça, je l'ai pas encore lu, mais j'ai reçu ça dans mes cadeaux de Noël aussi, je l'avais demandé. C'est Marc-André Lucier, le critique cinéma de La Presse, qui a publié ses listes de 10 meilleurs miroir. Films. Quoi? René au miroir. Ben, je préfère de René au miroir. Ouais. C'est lui de Flash, c'est bien ça. Hein? Ben, c'est René Miroir qui faisait des critiques à Flash. Ouais, non, même il a avant, fait d'autres là. Choses. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, je me rappelle de lui comme étant un critique de Flash. Mais il est animateur à Radio-Canada aussi, à radio. Mais c'est ça, Marc-André Lucier, depuis 35 ans, fait des listes de ses 10 meilleurs films à chaque année. Fait qu'il les a publiés. Ça, c'est 350 films commentés, tout ça. Puis il fait des retours sur les années dans leur ensemble et tout ça. Fait que j'ai très hâte de checker ça. C'est un gars que je respecte énormément, que j'adore ses articles. Fait que c'est ça. Ouais, mais c'est ça là, ma question. C'est que t'aimes vraiment Marc-André Lucier? Ben oui. Moi, j'ai vu ce livre-là, puis j'ai fait oh, c'est au ciel. Mais parce que pendant un bout, il parlait gros de sa vie de critique de cinéma, mais il était comme sincèrement, je pense que Steven est plus curieux puis écoute plus de films que Marc-André Lucier dans ce moment. Ah, c'est possible. Fait que ça m'a gossé un peu. Je connais pas vraiment. Ouais. Fait que... Ben, Steven, je te respecte plus, man. Respect, Steven, respect. Non, ben moi j'étais un peu indifférent pour lui. Puis quand il faisait les flops, là, il a fait des interventions à Infoman de temps en temps. Puis à chaque fois, je trouvais qu'il avait l'air d'un peu cynique. Puis ça m'a gossé. Mais c'est la seule chose que je connais de lui. Fait que tu sais, j'ai pas essayé de baser mon opinion. Je connais pas non plus. Mais ça l'a arrêté. Non, mais tu veux dire, tu le connais plus que nous autres. Là. Ben, je lis ses textes de temps en temps. Non, c'est déjà plus que toutes nous autres. mais non, c'est ça. Moi, j'avais pas. Ça m'a gossé un peu son ton cynique. J'haïs bien ça, les critiques là, qui adoptent un ton chialeux. Mais je sais qu'il faisait pour le show, mais ça me... C'est ça. Mais j'ai pas de misère à l'avouer que je suis un peu snob des YouTubers et de Monsieur Tout-le-Monde qui fait des... un peu comme nous autres, dans le fond, qui font le liste... Il est snob de lui-même. Le liste de non, fin d'année, fait que je préfère encore les critiques professionnelles, fait que j'aime... C'est ça. Ton point est vraiment intéressant, vu de même, c'est vrai que ça permet de départir, mais comme je te dis, c'est parce que des fois, j'ai l'impression que ces critiques-là se donnent aussi de l'importance. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, Marc Cassivi qui sort un film sur ses Coupes du monde, j'en ai-tu rien à chier de ce que Marc Cassivi a vécu quand il écoutait la Coupe du monde? Tu comprends? Oh oui. Puis pour moi, c'est la même un peu... C'est sûr que Marc-André Lucier a quand même un background, là. Je veux dire, il a quand même une énorme crédibilité, mais je trouvais que ben c'est ça, là je fais de l'âgisme puis je trouve qu'il est dépassé. Ah, oh, ça se peut très bien, oh, oui, ça se peut. Sébastien? Oui. Viens. Oui. Ben écoute, Steven. J'ai insulté Marc-André Lucier. Ouais. non, ben écoute, Steven, j'avais donné la parole, vas-y. OK. Fait que Jeff, tu parleras pas d'épisode de Black Mirror. On skip ça pour un autre épisode. On va attendre épisode, que Seb le regarde. Ouais. Ou Vicky. J'aimerais vraiment ça en jaser avec vous autres. Ok. L'épisode interactif, là? Oui. Ouais. T'as juste ça d'écouter sur ta PS4, ça marche sur PS4. Ouais, non, mais c'est ça, je vais l'essayer, mais ça marche sur Roku. Je vais l'écouter avec ma blonde. Ceux qui l'ont. Je peux-tu prendre 30 secondes? Il y a une affaire sur Netflix que j'inviterai les gens à regarder. C'est Comedians of the World. C'est sorti le jour de l'an. C'est 47 spéciaux d'humour de partout dans le monde. 4 en général par pays. Des fois, c'est 3, je pense. Mais t'en as 4 Québécois qui ont été tournés l'été passé à Juste pour rire. T'as Louis-José Hood, Catherine Levac, François Bellefeuille, puis Adib... Ouais. Je cherche son nom. Adib exactement. Al-Kaldé. Puis c'est ça, tu sais, t'as des Français, t'as des Indiens, t'as des... je pense que t'as des Tchèques, t'as tout le monde de partout dans le monde. Puis c'est ça, c'est 47 spéciaux de 29 minutes. Le seul que j'ai regardé pour l'instant, c'est Louis-José Hood, extrêmement solide, j'ai ri tout le long, ma blonde en a ri tout le long. Mais on est vendu à Louis-José Hood d'avance, là, mais en tout cas, fait que j'ai très hâte de voir les 3 autres Québécois, puis le reste aussi. C'est une bonne façon de s'initier à l'humour de partout dans le monde, puis d'aller fouiller un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, tu sais. Ouais. C'est Comedians of the World, c'est sur Netflix. C'est ça. Oui, très, très, très, très, très d'accord. C'est ce show-là qui a été censuré, hein, pour pas de jokes sur l'Arabie Saoudite, c'est ce show-là? Ah, ça, je sais pas, je sais pas quoi. Ok, je vais fouiller puis je vous donnerai des détails. Ok, Steven, tu peux y aller, là. ben, pour le temps des fêtes, le 23, 24 et 25 décembre, je vais tout le temps chez ma belle-famille à Gatineau. Puis ma belle-mère, elle a super écran parce qu'elle écoute que des films en français. Et ce n'est pas mon cas, j'ai pas super écran parce que fuck super écran, je veux dire, j'écoute pas des films en français. Mais c'est une bonne occasion pour moi d'aller sur chaîne sur demande, super écran, et d'écouter des films qui me tentent pas. Des films que j'ai pas envie de payer. Fait que c'est comme un petit plaisir coupable. Toutes les fois, je vais jeter la liste, je suis comme « OK, qu'est-ce que j'écoute? » Et là, j'ai décidé d'y aller avec Dead Wish. le remake de Eddie Watt. Par curiosité, parce que le film est écrit par Joe Canahan, réalisateur de l'adaptation de A-Team, la fameuse télésérie. Il avait fait également le film Smoking Aces, mais c'est surtout The Grey, avec Liam Neeson, un survival avec des loups, qui m'avait beaucoup marqué. C'était un de ses films personnels. Et j'aime beaucoup Joe. C'est quelqu'un qui n'a pas la honte dans sa poche, qui est très précis dans ses idées. Et je trouvais ça intéressant de le voir écrire un scénario d'un remake de Dead Wish, parce que, je veux dire, dans une époque qu'on vit en ce moment, les films de vengeance ou de vigilante, surtout, c'est touché d'en faire dans une Amérique où que c'est Trump qui est au pouvoir et où que les Américains sont très pro-gun, pro-autodéfense, puis on tire avant de poser des questions, on se fait sa propre justice, ce qui est une très mauvaise chose. Et je me dis, Chris, avec Joe derrière le scénario, je pense qu'il pourrait faire une satire ou de quoi apprendre au second degré. Fait que j'ai écouté, puis c'est moins pire que ce que j'imaginais, parce que je ne suis pas un gros fan de Eli Roth. J'aime beaucoup ses premiers films. J'ai beaucoup aimé Cabin Fever. Je respecte beaucoup ses deux Hostel. Je crois que c'est deux films qui vaut plus que ce que ça, on pourrait le croire. Là, c'est plus que du torture porn. Mais par la suite, je me suis perdu dans sa carrière. J'ai détesté son film de cannibale, de Green Inferno. Puis un autre qu'il avait fait aussi, je ne sais plus trop, c'est Un Knock Knock. Avec Inoue, j'ai vraiment pas aimé ça. Là, dernièrement, Eli Roth, il change de cap, il abandonne l'horreur, là, il va dans de quoi de plus hollywoodien, plus film de commande, dont Dead Wish et le film d'Halloween avec Jack Black, l'horloge, je sais plus trop quoi. The House with the Clock in its Walls. Production de la Blim, qui fait très Steven Spielberg. Je suis intrigué, tu sais, je me dis, ça peut pas, ça peut pas être pire que ce qu'il a fait auparavant. Mais je trouve que Eli Roth loupe un peu la coche avec cela, parce que le film se prend semi au sérieux, mais j'ai l'impression que le côté satirique est très mal maîtrisé. Il suffit pas juste de foutre de temps en temps des interviews de radio qui t'entends des intervieweurs, des journalistes remettre en cause les agissements de Bruce Willis qui, après avoir perdu sa femme pendant un vol dans sa maison, puis que sa fille est à l'hôpital, décider de se faire sa propre justice, puis juste d'éliminer les criminels dans les rues, puis d'aider les gens comme un super-héros. Puis là, t'entends les gens de la radio qui débattent. Bon, est-ce que c'est un fou qu'il faudrait la fermer? Est-ce que c'est une bonne chose que quelqu'un se fasse sa propre justice? Mais c'est quelques minutes sur une heure et demie qu'on entend, puis par la suite, on est juste dans un typique film de vigilante de Bruce Willis qui est cool avec son capuchon, qui se promène avec son gun, qui se fait sa propre justice, qui tue les gens, puis je suis comme... Écoute, tu sais, le premier Dead Wish avec Charles Bronson, si tu prends les suites pour qu'est-ce que c'est, ce sont des So Bad It's Good. Là. C'est des films de la canon qui sont mal écrits, qui sont mal joués, qui sont over the top, qui sont le fun. Tandis que le premier, il y a pratiquement un propos, mais je veux dire, il y avait de quoi à faire une critique en emmenant ça aujourd'hui en 2018, surtout qu'on est rassasié de films de revanche puis de vigilante. Je veux dire, on en a à toutes les années. Puis je trouve que cela, ben, franchement, c'est complètement inutile. Et Bruce Willis, même si je suis un très grand fan de lorsqu'il était jeune, je trouve que ça fait longtemps qu'on est en mode Bruce Willis zombie, que je veux mon chèque, merci, charge, je m'en calisse. Et Dead Wish, c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux dans les dernières années, ou que j'ai l'impression qu'il y a un semblant d'intérêt. Mais encore là, on ne retrouve pas un Bruce Willis en pleine forme. Puis je veux dire... Charles Bronson est beaucoup plus badass. Mais attends une minute, là. Ouais. Tu l'as écouté traduit. Je suis sûr qu'en anglais, c'est cœur. Ouais, non, je pense pas. Mais non, mon chum, il l'a écouté parce que nous aussi, on a un super écran puis tout ça, là. Fait que mon chum, il l'a écouté puis lui, il était content de revoir son Bruce Willis. Mais comme... en vigilante, fait qu'il s'est pas posé plus de questions. Okay. Je pense qu'il était... Mais comme dernièrement, Bruce, il a fait quoi? Pratiquement que des directs ou vidéos, des petits films d'action de série B, Il est mal photoshopé sur une pochette, là. Ouais, ça arrive. C'est drôle, à la fin du dernier, quand on a fait le bras de fer des films, quand on a enregistré, j'ai regardé ça avec Steven sur IMDb à la fin de l'enregistrement, puis... Moi, j'étais un gros fan de Bruce Willis. Ben, j'étais un gros fan de Bruce Willis, puis j'ai regardé le dernier film de lui que j'avais regardé, date de 2013. En fond, c'est le dernier Die Hard. C'est comme, je suis rendu au point dans ma vie où le dernier film que j'ai vu de Bruce Willis date de là 5 ans. T'sais, c'est comme. C'est ouais, puis tu l'as écouté juste parce que c'était un Die Hard, d'après moi, parce que sinon, tu l'aurais peut-être même pas écouté. Exactement. T'sais. Ben, c'est ça, fait que, tu sais, pour quelqu'un comme. qui n'est pas un cinéphile, qui avait juste envie de boire un brou, ça fait la job. Mais ça va pas plus loin que ça, je pense. Puis c'est dommage pour un réalisateur comme Eli Roth, là. Mais pour... ouais, Super Écran est exactement le genre de plateforme pour ce genre de film-là. Exactement. Mais c'est plate parce que j'ai l'impression que Joe Canahan, avec son scénario, a vraiment voulu faire un genre de Starship Trooper. Tu sais, une genre de satire à la Paul Verhoeven où qu'il faut prendre ça au second degré, là, puis que c'est vraiment, il ridiculise l'Amérique. J'ai juste le feeling que Eli Roth savait pas trop quoi faire avec ça. Puis même le marketing savait pas comment vendre leur film. Au début, on sortait un trailer où ça avait l'air d'un trailer basic. Puis ensuite, ils nous ont sorti la bande-annonce Greenhouse dans le style de Machete. Puis tu sais, quand on avait eu ça, puis le film reflète jamais ça, là. On n'est jamais dans une ambiance de on s'amuse. Puis, tu sais, oui, il y a quelques plans gore, mais c'est pas du gore, Greenhouse, le fun. Je veux dire, le film s'il la joue quand même très sérieux par moment. Fait que c'est un produit qui sait pas trop ce que ça veut être. Puis je trouve que c'est un petit peu mal amené. Fait que je l'ai vu à Super Écran, c'était bien correct. C'était un petit peu moins épais que ce que je m'attendais, mais c'est crissement pas mémorable. Puis, je veux juste faire une critique de 10 secondes sur ça. J'ai écouté Rampage avec The Rock. Oh. Je vais vous dire, c'est une adaptation très fidèle du jeu vidéo, puis c'est tellement fidèle que comme le jeu vidéo, après 10 minutes, j'en avais plein le cul. Rampage, c'était ça. Là. Après 2-3 games, j'étais comme, OK, cool, on joue à quoi, là? C'est bien le fon de détruire toutes les immeubles et bouffer du monde, mais à un moment donné, ça devient plate. C'est ça. Pas mal ça. Ah, c'est drôle. Vicky? Oui? As-tu un petit dernier film à nous jaser? Ben j'en ai plein. Ah oui, je vais aller vers Nothing to Hide, mais j'ai pas trouvé le titre francophone. Nothing pourtant c'est un film français sur Netflix avec... Je pensais que c'était un film coréen. C'est pour non, ce que je pensais. Un film français sur Netflix avec Suzanne Clément qui est allée faire un petit tour en France faire un film. Oui, OK, oui, je sais de quoi tu parles. Le jeu. Oui, c'est ça, le jeu. C'est écoutez la bande-annonce, c'est aussi bon que ce que la bande-annonce vous prédit. C'est vraiment bon. Fait que ce soir, là, on vous a déconseillé des trucs, mais on va vous en conseiller aussi. J'ai dit Terminator, je l'ai conseillé. Ouais. Ouais, mais on ne l'écoutera pas. Ça sera on va pas me dire. Hey, tu serais prêt, Seb. Je suis sûr que tu serais prêt. Je sais, mais écoute. On l'a pas. Parce que lui, il est sur Netflix. Mais chez nous. Ce film-là, encore une fois, un film que j'ai parti en faisant autre chose, en me disant je vais aller me coucher, je vais m'endormir, puis tout. Et non, j'ai adoré. Le jeu, c'est une gang d'amis qui se rencontrent. Tu vois qu'ils se voient très souvent, puis ils se connaissent depuis genre l'école secondaire, là, dans notre mode d'école à nous. Puis ils se connaissent depuis la petite école, puis ils soupent souvent ensemble. Et ce soir-là, ils décident de mettre toutes les cellulaires au centre de la table et que chaque interaction avec le cellulaire devra être partagée à tous. Donc, tout le monde voit ce qui se passe, hein. Ouais, si quelqu'un t'appelle, tu dois répondre en vocal. Si tu reçois un courriel, tu dois le lire. Si tu reçois un message texte, tu dois le regarder. Et ben, ça part en couille. Hein? Bien sûr. Ça peut pas bien aller. Mais c'est incroyable comment tu t'attends pas à bien des affaires. Et la fin m'a fait chier, mais positivement, dans le sens où, tabarnak. Fait que j'ai adoré et je le conseille. C'est un bon film. C'est semi-comédie légère. On pourrait dire un feel-good movie parce que ça t'arrive pas à toi. OK. Parce que le film est drôle. Le film est... Tu sais, tout le long, tu fais « Oh ben non! Oh ben non! Oh non! » Fait que tout le long, t'es comme un peu malaisant, mais toujours dans l'humour. Mais si ça t'arrivera à toi, tu seras un beau tabarnak. OK. Fait que je le conseille beaucoup. J'ai vraiment apprécié. C'est pas la première qui m'en parle, puis c'est en positif aussi. Il est sur ma liste. J'ai vraiment, vraiment hâte d'y jeter un œil. Mention spéciale au fait que Suzanne Clément ne joue pas à la française. Okay. Elle ne joue pas à la québécoise non plus. C'est pas une québécoise, c'est pas une immigrante parmi la gang, mais elle le joue très international comme elle peut le faire et c'est excellent. Good. J'aime beurrer la biscotte. What? OK, parfait. J'aimerais que ce soit le titre de l'épisode, s'il vous plaît. Attends un peu, je fais référence à quoi, ça? Oh, c'est 717. C'est parce que Jean Dujardin a annoncé qu'il tournait le troisième film, puis je suis juste très content. Fait que quand Vicky a parlé d'un film français, j'ai pensé à OSS 717. Ah, God. Okay. Oh, boy. Okay. Mais oui, là, tu le dis, puis oui, je me souviens que c'est de ça, à ça que ça fait référence. Ben d'abord, Vicky, là, tu nous en as parlé tellement vite. Un autre. Ouais. Un autre petit rapide. Les critiques en rafale de Vicky. pour ceux qui ont aimé. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, le truc avec Steve. Ben ça s'appelle The Innocent Man. C'est encore sur une série documentaire Netflix en quelques épisodes sur un homme incarcéré qui serait probablement innocent. Making a Murderer. Ouais. Fait que ceux qui ont aimé Making of a Murderer. Il y avait une autre série qui était sortie un peu après avec toute l'Église catholique puis des hommes d'Église. Puis ça m'avait hautement fâché. Puis j'avais demandé aux gens pourquoi est-ce que cette série-là est moins populaire. Puis on m'avait dit parce qu'il n'y a pas de closer. Tu sais, on ne close pas le dossier, il n'y a pas de closer, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, il y a plein de spéculations, mais il n'y a pas de fin. Fait que celle-là, The Innocent Man, celle-là, il y a une fin. Fait que c'est vraiment pour ceux qui ont aimé The Making of a Murderer, en 6 épisodes, The Innocent Man. Faut avoir aimé ça, fait qu'il faut vraiment aimer le style parce que c'est genre un punch, mais tu sais, si tu vas sur internet, tu vas tout découvrir. Là. Fait que tu sais, comme c'est vraiment l'histoire documentée de dans une petite ville aux États-Unis où on montre à quel point, tu sais, encore une fois, le procureur, tout le monde était arrangé pour mettre des gens en prison sans trop se poser de questions. Puis, c'est ça. C'est montrer à quel point il y a vraiment des gens innocents quand ils sont mis en prison, puis il y en a un qui essaie de se battre pour prouver son innocence. Cool. Et on a fait le tour? Bah, j'en ai plein, mais c'est pas grave. OK. Tu nous les garderas, puis tu nous en changeras. Et c'est qui dans l'équipe qui a écouté Ghost Story aussi? Ah, ben c'est moi, c'est vrai. Mais on en avait déjà jasé dans le podcast. C'est pour ça que je l'ai pas mis sur ma liste. Pas je pense que pendant l'Halloween, il n'y a pas quelqu'un qui l'avait recommandé? Ou c'est juste qu'on. Moi, je l'avais vu. Ouais, ça se peut que ce soit moi. Je n'avais parlé brièvement, c'est possible. Ouais, c'est ça. Puis c'est la même chose pour Cam. J'ai écouté Cam, mais tu n'avais parlé aussi. J'ai adoré Cam. J'ai détesté Cam. J'ai adoré. Oh, God. J'avais vraiment hâte que ça finisse. Comme j'avais dit, c'est un bon épisode de Twilight Zone qui dure 40 minutes, qui aurait duré 40 minutes, mais à oui, une heure et demie, j'étais plus capable. Mais non, ben Ghost Story, il vient d'arriver sur Netflix pour ceux qui nous avaient manqué. Je sais ça, Steven, je pense qu'on avait jasé, mais je peux le rappeler là. Film d'anthologie qui met en vedette Martin Freeman. C'est comment il s'appelle, c'est ça? Martin Freeman? C'est lui qui jouait The Hobbit. Ouais, qui jouait des Hobbits. Film d'anthologie british. Ouais, c'est ça. Martin Freeman qui joue aussi dans Sherlock Holmes, si je ne me trompe pas. Ouais. Il y a un petit rôle, là. Ouais. Non, mais OK. Il joue dans Sherlock, mais c'est pas genre lui qui joue Watson? Oui, je parle dans Ghost Story qui joue un petit rôle. Ah, ben, ouais. Ben, en tout cas, ben, il est dans une des histoires. Ouais, parce que oui, c'est une anthologie de trois histoires de fantômes. Dans le fond, c'est drôle parce que c'est une anthologie où, pour une fois, on a plus le goût de parler du fil conducteur que des histoires. Ouais. Parce que le fil conducteur, c'est l'histoire d'un enquêteur du paranormal. Ben, en anglais, ils vont dire un debunker, quelqu'un qui va scraper les mythes du paranormal, mettre au jour les charlatans, tout ça. Puis, un de ses idoles lui envoie une lettre pour lui dire « Je suis pas mort, viens me retrouver, j'ai des enquêtes à te donner. » Il remet trois enquêtes en lui disant « Ces trois enquêtes-là, j'ai jamais réussi à les résoudre. » Et bien, cet enquêteur du paranormal va aller enquêter là-dessus, va aller chercher les témoignages des gens. Mais rapidement, on se rend compte que ces histoires-là l'affectent personnellement. Puis on se rend compte qu'il a l'air d'avoir un lien avec lui pendant ces histoires-là. Les histoires sont excessivement anecdotiques et se terminent de façon bizarre. Dans le sens que... comment dire? Quand je lisais des petites histoires de... quand je lisais des petites histoires de fantômes, là, quand j'étais jeune, des petites histoires pour faire peur qui duraient 10 pages, là, et c'est à la fin que le fantôme arriva dans le dos et lui plaça sa main de squelettique sur l'épaule. Enfin, ouais. Là, t'es comme... Mais les histoires se finissent de la même, tu sais. Genre, la personne, il arrive, le truc effrayant, puis fin. Mais là, t'es comme, hein? C'est drôle. T'écoutes ça, puis j'ai quasiment pas le feeling que c'est une anthologie. Pour moi, c'est pratiquement juste un film, puis tu vois une scène du cas, une scène vraiment et non une histoire. Ah oui. Ça fait vraiment cet effet-là. Surtout la dernière histoire qui est très, très courte. Là, ouais. Mais puis la deuxième. Puis c'est que dans le fond, les histoires, oui, sont bien montées. La première histoire, elle a un bon feeling, suspense. Tout ça, un bon suspense. Mais la deuxième histoire, c'était le build-up pour l'histoire. Il s'en va chez le petit gars pour se faire raconter l'histoire. Mais la maison du petit gars, avant même que le petit gars raconte l'histoire, j'étais comme, ça, c'est plus effrayant que l'histoire du petit gars. Ouais, il y a comme de quoi avec ses parents, avec quelque chose de l'autre bord de la porte, la maison qui est tranquille. Il y a vraiment une bonne ambiance dans ce film-là. Là. Et l'acteur principal qui tient le film sur ses épaules, je l'ai trouvé vraiment, vraiment solide. La photographie est écœurante. En même temps, c'est une production british, puis tu ressens les qualités british de tout ça. C'est ça. Ça donne de quoi dans les décors. Hein, mm-hmm. L'humidité, tout ça, le gris, le manque de couleurs. Les collines. C'est ça, avec Martin Freeman, le dernier segment où il se promène puis il se fait raconter l'histoire. L'histoire de Martin Freeman est probablement celle-là la moins intéressante. T'es comme, OK, c'était bien plate, cette histoire-là, tu sais. Les histoires n'ont pas d'importance dans un sens. Puis c'est que, en fait, au début du film, le gars se fait remettre des dossiers en disant, règle ces histoires-là, c'est des histoires vraies. Tu sais, parce que les deux, c'est des enquêteurs du paranormal. Puis là, il se fait dire, règle ces histoires-là parce que j'ai jamais été capable de les régler. C'est des vraies histoires paranormales. Tu seras jamais capable de les régler. Puis ils n'ont rien de si intense. Non, tu fais pas genre, mais en quoi est-ce que c'est si paranormal et important? Puis après ça, la deuxième, t'inquiète. Puis là, il va retourner voir le bonhomme qui a donné les fichiers. Puis il dit, voyons, ça n'a rien d'important, ces histoires-là. Il y en a un qui fait de l'alcoolisme. Puis l'autre, il dit, fait qu'il dit, ça n'a rien d'hyper. Il n'y a pas d'impact. Puis moi, je trouve que le film l'adresse lui-même. Le film, il le met sur table. C'est adressé de. S'en fout. C'est pas si effrayant. C'est pas si important. C'est pas si majeur. Fait qu'il y a quelque chose de plus que ça. Tu sais, le gars, il dit, ça peut pas être juste ça que tu me fais enquêter. Voyons, ça n'a pas de sens. C'est pas assez fort. Mais rapidement, on voit de toute façon que ces histoires-là ont quelque chose de plus, puis que tout tourne autour du fil conducteur. Et le fil conducteur, et comme tu dis, Steven, c'est plus ça, le film. Ouais. J'ai vraiment trouvé ça efficace. J'ai trouvé ça excessivement bien fait. La photographie, tout ça, les histoires sont intéressantes, les acteurs sont bons. Les twists sont bonnes, sauf la dernière twist. La révélation est décevante. La révélation n'était pas nécessaire, mais en même temps, je trouve que ça gâche pas. Moi, ça a gâché. Je trouve pas que ça gâche le plaisir que j'ai eu au courant du film. Non, c'est juste décevant. Ça n'a pas gâché le plaisir. C'est juste qu'à un moment donné, le fameux twist par-dessus twist par-dessus twist, tu fais comme, man, t'en as mis une de trop. T'aurais dû arrêter. C'est ça qui m'a choqué. J'ai vu un film qui n'a pas su s'arrêter au bon moment. C'est fou pareil, parce que quand je l'écoutais, tu sais, la twist, ça me faisait chier, mais c'est tellement mise en scène puis monté de manière hot que j'étais comme, Chris, c'est quand même hot. Même si je déteste la révélation, c'est typique, mais... Juste avant cette révélation-là, il y a un plan, et le plan est parfait pour terminer le film. Tu sais, admettons, si je le faisais écouter à quelqu'un, je ferais comme... Oh, stop, c'est fini, le film est fini, man. C'est correct. T'as-tu aimé ça? je ferais pas écouter la suite. Parce que, tu sais, la personne pourrait penser que c'était la fin. Mais oui, c'est vrai que de la manière que c'est amené, c'est quand même drôle. Là. Mais ça vient briser le film. Ouais. Mais honnêtement, ça sera pas trop effrayant, justement. Tu sais, ça va être juste bien. Encore une autre affaire qu'on peut écouter avec du monde qui sont moins intéressés par l'horreur. Mais ça n'a pas été trop publicisé. C'est sur Netflix. Puis ça vaut la peine. Ouais. Ça vaut la peine d'être vu. Ça vaut vraiment la peine. Puis moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Peux-tu faire une petite recommandation? Vas-y donc. Marc-Antoine est venu passer une fin de semaine chez nous. On s'est tapé beaucoup de films. Et j'ai eu vraiment un véritable coup de cœur lorsqu'on jetait iTunes. Puis on a vu qu'il y avait le film de Guilty. C'est un film allemand. Puis c'est Marc-Antoine qui n'avait un peu entendu parler. Puis il m'a dit, on devrait écouter ça. Fait qu'on l'a écouté. Puis c'est un film qui est nominé qui va être nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger. Et ça passe un peu inaperçu, mais les critiques sont fucking bonnes et c'est vraiment un solide trailer. Apparemment qu'ils veulent déjà faire un remake, mais même que je vous dise la synopsis, vous avez déjà pensé à un autre film qui existe déjà, mais ça se déroule dans un poste de police où que tu suis un policier qui est réceptionniste d'appel d'urgence. Il est là pour aider la personne qui appelle et aider. Et durant la soirée, c'est un de ses derniers soirs parce qu'il est accusé de quelque chose. Fait qu'il doit aller en cours demain. Fait que c'est sa dernière soirée de travail. Puis durant la soirée, il va recevoir un appel d'une femme qui est enfermée dans un coffre d'auto. Son mari a pété une coche. Puis elle ne sait pas quoi faire, elle est coincée dans le coffre. Puis ses deux enfants, un bébé et un petit garçon de 8 ans, sont restés tout seuls à la maison, à l'appartement. C'est juste ça. Ça se passe dans la même pièce. C'est un acteur, un micro, minimaliste au bout. Vous allez dire que ça fait penser à The Call avec Halle Berry. Ouais. Ça a le même genre de synopsis, mais ça va pareil ailleurs. Et c'est encore plus minimaliste que le film d'Halle Berry, mais... C'est du jeu d'acting, c'est de l'émotion, c'est une mise en scène qui arrive à te garder sur le bout de ton siège avec rien, parce que comme disait un peu Vicky par rapport à Bird Box, ton suspense, tu te le crées avec ce que tu entends dans le micro, tu vas jamais, tu sors jamais du poste de police. Fait qu'à un moment donné, il y a une poursuite de voiture, tu entends juste à travers le micro, mais tu te fais la poursuite dans ta tête. J'ai été impliqué sur tout le long, c'est 1h30, c'est bien écrit, bien joué. À la fin, j'avais la gueule à terre, il y a un twist vraiment réussi. Franchement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce petit trailer-là, qui semble, comme je dis, passer un peu inaperçu, malgré qu'il... Il risque d'avoir une nomination aux Oscars, tout ça. Fait que allez louer ça, c'est sur iTunes. Je pense qu'il est comme 5,99. Vous n'allez pas le regretter. The Guilty, c'est un des meilleurs trailers que j'ai vu cette année. Année, écoute, 2018, on est le 6 janvier, man. Je me suis mélangé. C'est le seul trailer que j'ai vu cette année. Ouais. Ben écoute, solide. Ouais, c'est ça. Cool. Donc, on va essayer de se jaser au prochain épisode pour l'épisode interactif de Netflix. Yes! Puis, oui. Moi, je voulais vous en jaser à soir, mais là, finalement, cet épisode s'étire. Et je me suis acheté une PlayStation VR, fait que c'est sûr que je vais vous parler de jeux de VR. Peut-être jaser de ceux qui sont un petit peu plus cinématographiques ou quoi que ce soit. On en reçoit plein qui pour faire des tests. Alors, j'ai déjà des critiques à écrire pour le site, donc vous surveillerez ça aussi. Steven aussi, ta VR, faut qu'on essaie de se trouver un moyen de se faire un peu de d'online là, d'une façon ou d'une autre. Ouais, ce serait le fun. Ouais. Sur ça, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Bonne année. Non. Même si on a bonne pas année. je fais tirer les billets pour Glass ce soir après le show. Alors. Merci à ceux qui ont participé. Merci à Universal. Je pense que c'est le premier film qui sort cette année qu'on a hâte de voir. Là. Quand même, ça déjà. Ça risque d'être mon premier vrai film de 2019. T'sais, j'ai vu d'autres films, mais vraiment un film fait pour 2019. Puis je pense que ça va commencer fort avec ça. Là. 18 janvier. Je suis confiant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis la barre haute pour un film de Shyamalan. Ben non. T'sais, d'habitude, avant... Non. Mais, Split, j'étais quand même motivé parce que The Visit, je trouve que c'était comme un bon retour aux sources. Oui. Puis après. Mais Split, on était comme, OK, on va aller le voir. Mais là, Glass, là, on est comme, OK, là, tabarnache, manque pas ta shot, man. Manque pas ta shot parce qu'on l'attend depuis vraiment longtemps, ce film-là. Fait que moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Est-ce que Bruce Willis risque de gâcher le film? Je pense pas parce que ça a l'air d'être un projet qui tient à cœur, celui-là. Fait que. Ouais, puis écoute, je sais pas, puis j'ai l'impression que c'est quand même pas lui qui va être le highlight du film. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus entre Samuel Jackson puis James McAvoy. Ouais, surtout Samuel Jackson, tu sais, le film s'appelle Glass. Ouais. Fait que tu sais, t'avais comme Unbreakable qui est comme le film sur Bruce Willis, puis Light qui est comme le film sur James McAvoy, puis là sur Samuel Jackson. Fait que... Puis là, tu sais, je sais pas si on le voit sur le truc, là, mais il y a vraiment quelque chose sur le code de couleur. Tu sais, Unbreakable était vert, Split est jaune. Glace est mauve et bleu. J'espère qu'il va y avoir de quoi avec la photographie parce que clairement, la pub nous montre quelque chose là-dessus. Mais... J'aimerais bien ça que la photographie joue un petit côté BD sans trop aller loin là-dedans. Sauf que Shyamalan a vraiment créé une mythologie et un univers vraiment intéressant avec ces films-là. Fait que, là, c'est encore plus le moyen de pousser tout ça, tu sais, de mettre tout ensemble dans le même panier. Là. Puis on a vraiment hâte de voir comment il va nous boucler la boucle de ça. Faut que ce soit le dernier, faut pas qu'il aille plus loin, faut que ça arrête. Ben, ça dépend. Je veux dire, tu sais, si le gars a vraiment des idées puis qu'il veut pousser ça, why not? Je veux dire. Ouais, en tout cas. Il faut juste qu'il fasse attention à ce qu'il fait avec ce film-là. Parce que c'est ça. Les deux premiers étaient très bons. Sur ce, gang, allez visiter le site, allez visiter notre Patreon. Notre boutique en ligne fait dur parce que Society 6 a décidé que. Society 6, qui est le site où on vend les t-shirts, ont décidé que le logo de Fond de Regard des Films ne respectait pas les règles du copyright, même si c'est notre logo à nous. J'ai plus le droit de vendre de t-shirts avec ce logo-là dessus. Ouais, c'est vraiment bizarre. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est un item de collection. Ouais, Jeff porte un item de collection présentement. Ouais, item de collection, une espèce de copieur. Cynthia et Jesse qui viennent me l'enlever. Ils disent qu'ils ont bien hâte de voir Glass. Je ne sais pas si vous aviez participé, mais mettons qu'il n'est pas trop tard là, parce que je fais le concours tantôt. Cynthia, d'ailleurs, si tu as participé, tu as droit à une participation de plus parce que tu es Patreon. Alors. Oui, parce que les Patreons, quand ils participent à un concours, ils ont une participation de plus automatique. Ça fait partie d'un de leurs bonus. Mon premier film d'horreur de 2018, ça avait été Insidious 4. Fait que tu sais, je pense que celui-là est difficile de faire payer que Insidious 4. Ouais. Et God, oui. C'est ça. Allez sur iTunes. J'ai oublié de regarder iTunes de la chenoute. Allez sur iTunes Podcast, mettez-nous un 5 étoiles. On va aller lire vos commentaires. Si vous en aviez déjà laissé un, comme je vous avais déjà dit, retournez-y parce que Fun Regarder Films n'est plus sur le même feed que Horror Gamer, alors ce n'est pas le même. On recommence à zéro, malheureusement. Et c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à venir nous jaser. Notre Instagram, notre Facebook, on est toujours content d'avoir vos commentaires. Sur ce, Jeff, bye bye. Bye bye. Moi, je vais me coucher de suite. Soigne-toi bien. Soigne-toi bien. Steven, bye bye. Bye bye, Sébastien. Vicky. Oui! Bye bye! Bye! Et bye bye tout le monde du chat! Bye bye tout le monde! Bye les Terminators! bye les Terminators! Et n'oubliez pas de garder ça le fun!